c'est ici. Oui, c'est moi. Ah, c'est l'agence. Oui. Vous m'avez trouvé une femme de ménage? Une intérimaire extra? Bon, eh bien alors c'est parfait. Combien? 500 francs par jour et 20% pour vous. Bon, bon, eh bien c'est entendu. Elle s'appelle Brigitte. Très bien. Merci, au revoir madame. Oh, pardon monsieur. Bonjour, c'est moi. Il est pas là? Si, en bas. Chut, non, mais il pourrait remonter. Impossible, il vient de descendre. Je suis ravie que tu sois là, tu sais, ravie, et toi? Hein, quoi? Tu es heureux? Bah écoute, on sait, est-ce que je serai là? Non, on est fous, tu sais, on est fous. Ah là. Oui, mais quand il m'a dit qu'il t'avait invité pour le week-end, je l'aurais presque embrassé, tu vois. Oui, oui, il avait vraiment l'air de tenir à ce que je vienne. Mais moi aussi. Alors j'espère qu'on arrivera à se retrouver tous les deux, hein? Rien que toi et moi. Donc il faudra faire très attention. Mais oui. Surtout pas d'imprudence. Mais non, mais ne t'inquiète pas, tiens, regarde. Regarde, je nous ai préparé cette chambre-là. Oh, tu as fait. J'arrive à l'instant. Ah oui, à l'instant, il n'y a pas 5 minutes. Oh tiens, regarde, il a encore sa casquette. Ah oui, en effet. Ah, je suis ravi de te voir, là. Ah, bah, moi aussi. T'as une mine superbe, hein? Toi aussi. Merci, merci. Je suis ravi de vous trouver en forme tous les deux, puis je voulais vous remercier pour cette charmante invitation. Bah, un copain comme toi, voyons, c'est tout naturel. Si tu savais les manières qu'il a fait. Oui, tu me l'as dit. N'est-ce pas, j'avais peur de vous déranger. Peur de nous déranger, mais tu plaisantes, là. Ou alors tu cherches un compliment. Oh, pas du tout. Non, non, non, nous sommes enchantés que tu sois là, hein. Pas vrai, ma chérie? Oh, oui, oui, oui. Et tu vas aller contente. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Bon, tu n'oublieras pas qu'il faut qu'on retourne au village, parce que demain, tout sera fermé. Ne vous croyez surtout pas obligé de mettre les petits plats. Dans les grands, pour toi, bah, bien sûr que si. Et nous y tenons absolument, n'est-ce pas? Absolument. Vraiment, je suis confus. Il n'y a vraiment pas de quoi. Mais j'y pense. C'est la première fois que tu viens ici. Ah, oui, oui, oui. Bon, c'est arrangé avec un goût. C'est Jacqueline qui a tout fait. Ah, et on sent le... On sent la... On la sent, quoi. Je suis ravie que ça vous plaise, mais vous savez, je n'ai pas tellement de mérite. Ah bah si, tout de même, elle garde pour nous ce qu'elle a de mieux dans son magasin. Mais oui, c'est bien ce que je dis, je n'ai qu'à choisir dans mon stock. Alors, bravo pour le choix. Merci. Ah, dis-moi à propos, oui. Tu as pensé à lui montrer sa chambre? Oui, j'allais le faire quand tu es arrivé. C'est celle-là, hein? Enfin, c'est bien là que tu veux qu'il soit. Ah oui, c'est la plus grande. Alors, si vous voulez bien déballer vos affaires... Très volontiers. Ah, tiens, hé, pour déballer. Eh, hey, tu fais comme chez toi, hein? Merci. À propos, oui. L'agence m'a téléphoné, elle nous envoie une intérimaire. J'espère qu'elle sera bien. Oh, une femme de ménage, on lui demande pour la lune. Oui, hein. Enfin, elle sera là dans 1 heure. Elle s'appelle Brigitte. Elle s'appelle Brigitte? Oui, pourquoi pas. Hein? Évidemment, mais pourquoi pas? Bravo, formidable, l'agent. Oh, c'est vrai, vous plaît? Oh, beaucoup. Elle était patente, votre maison. Oui, mais malheureusement, on n'en profite pas assez. Bon, eh bien, je vais finir la liste de ce qu'il faut acheter. Hein. C'est ça. À tout de suite. Eh bien, assieds-toi. Ah, oui. Tu veux boire quelque chose? Volontiers. Ah, un petit whisky? Sans glace. Sans glace. Ah, tu sais que c'est épatant, hein, que tu sois venu. Vraiment épatant. Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Ah oui, tant mieux, parce que j'avais vraiment besoin de t'avoir sous la main. Ah bon, pourquoi? Et comment, pourquoi? Dis-moi, ça fait maintenant au moins 5 ans qu'on se connaît. Ah oui, au moins. On se voit le plus souvent possible. Non, je sais, mais moi, je suis débordé. On en est tous au même point. Bon, ben, dis-moi, c'est pas parce qu'on ne se voit pas très souvent qu'on n'est pas des amis. Oh, ben, ça, c'est sûr. Et que j'ai une confiance totale en toi. Tu peux. Hé, hey, tu me le jures sur ta tête? Ah, il faut une tête aussi sérieuse que la mienne. Non, plaisante pas avec ces trucs-là, c'est très très important. Bon, bah alors, écoute, je te jure sur ma tête que quoi? Et bah que ce que je vais te dire restera entre nous. Ah oui, ça c'est juré, oui. Bon, et bah voilà. Alors tu vois, il y a un mois, j'ai rencontré comme ça, tout à fait par hasard, un mannequin. Ah bon? Oui, tu vois, un vrai petit bijou. Ah bon? Ah oui, quelque chose de superbe. Ah bon, de superbe. Elle a l'air peut-être à l'aise, hein? Non, mon fou. Enfin bref, toujours est-il que je me suis un petit peu attaché à cette fille. Ah bon? Oui, et alors, tu m'en voudras pas, hein? Mais en dehors du plaisir que j'ai à te voir, eh ben c'est surtout la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Ah bon? Ah bon, on a rien à dire tout à bon. Oui, non, mais n'est-ce pas, c'est parce que je vois pas très bien ce que je viens faire là-dedans. C'est pourtant simple, voyons. Comme je ne pouvais pas donner à Jacqueline un prétexte valable pour lui refuser de quitter Paris pendant le week-end, eh ben je t'ai invité pour ne pas être obligé de laisser Brigitte toute seule le jour de son anniversaire. Brigitte? Brigitte, oui, c'est le nom du mannequin. Enfin, de la fille qui... enfin, bref, elle s'appelle comme ça. Oui, non, mais je vois toujours pas le rapport qu'il y a avec moi. Mais c'est pourtant clair. Je t'ai invité pour qu'elle puisse venir ici. Ah, parce qu'elle va venir? Naturellement. Ben, mon vieux, tu manques pas de culotte, hein? Faire venir ta maîtresse chez toi? Ah non, non! Tu y es pas du tout! C'est pas moi qui l'a fait venir, c'est toi! Comment ça? Eh ben oui, comme je ne pouvais pas l'inviter moi-même, c'est toi qui seras censé l'avoir amenée! Mais à quel titre? Tu feras comme si c'était ta maîtresse! Ah, quoi? Ah non! Non, non, non, non, non, non, non! Parce que non! Pourquoi? Non, mais ça va pas! Mais si, ça va très très bien! Non, ça va pas du tout! Ça. Mais pourquoi pas? On m'en fait réfléchir, là, vis-à-vis de ta femme, là! Moi, je vois l'air de quoi? Mais de rien du tout! Enfin, c'est ton droit d'avoir une copine et de venir avec elle! Mais non, j'ai pas de copine! Oui, ça, c'est ce que tu dis! Mais en fait, t'as bien une vie privée. Elle ne regarde que moi. Et ben justement, ça m'arrange très bien. Comment ça? Et oui, comme personne ne connaît ta copine, tu vois. Et quand je dis personne, je pense aussi bien à moi qu'à Jacqueline. Alors, elle ne pourra donc jamais soupçonner que Brigitte n'est pas réellement ta maîtresse, hein? Ah non, ça c'est du béton, ça. Oui, eh ben, béton ou pas béton, moi je veux pas, hein. Tu veux pas, mais là c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? C'est convenu avec Brigitte. Dès qu'elle arrivera, elle fera comme si elle était ta maîtresse. Alors, ça ne compte pas sur moi pour le laisser croire à ta femme, ça je marche pas, hein. Mais pourquoi? Ça non, arrête de dire tout le temps pourquoi, c'est vrai, je serai mort à la fin. Je le répète parce que je comprends pas pourquoi tu refuses de rendre ce service. Mais parce que c'est impossible. Mais pourquoi? Réfléchis, ça tient pas debout. Mais si, très bien. Mais non. Et pourquoi? Parce que si j'avais une soi-disant copine, on aurait dû arriver ensemble, là. Mais non, justement pas. Hey, je lui ai fait prendre le train exprès pour que tu arrives avant elle et que je puisse te mettre au courant. Oh non, c'est très très bien organisé. Mais j'aurais pu tomber en panne. Mais tu es là. Je suis peut-être là, mais alors là, tout d'un coup, je viens de penser que je pouvais pas rester. Mais pourquoi? Ah non, arrête de dire tout le temps pourquoi. C'est vrai, c'est une manie. Mais t'énerve pas, voyons. Mais je m'énerve pas. Mais si, tu t'énerves. Non, je m'énerve pas. Tard, tu viens où? Voilà, je vais te le dire pourquoi. Je vais te le dire. C'est parce que... J'ai un vendeur. Un nouveau vendeur qui... C'est un vendeur qui... Oui, bon, bah, qui quoi? Ah non, je t'en prie. Ah bah, je t'en prie, s'il te plaît. Hein. Tu es dans les assurances, tu connais rien aux ascenseurs, ça sert à rien que je t'explique. Hein. Ah si, justement, c'est l'occasion de m'instruire. Bon, allez, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a fait, ton vendeur Kiki? Il m'a vendu 3 cabines à prix plancher. Ben et alors? Il a joué sur les mots et il les a vendus sans les coter. Ben et alors? Et alors? S'il n'y a pas les coter, on peut pas poser les boutons, l'ascenseur marche pas. Ah d'accord, je comprends. J'étais tellement content de ton invitation, toute cette affaire m'est complètement sortie de la tête, mais maintenant que j'y pense, il faut que je rentre à Paris dardard. Ça, c'est très très embêtant. Mais... Eh oui, je sais, c'est embêtant, ça, mais qu'est-ce que tu veux? Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. Hein. Surtout dans les ascenseurs. Bon, je vais chercher ma vie. Non, je dis que c'est très très embêtant parce que si tu t'en vas, moi je vais quand même être forcé de dire à Jacqueline que Brigitte est ta maîtresse. Ah mon vieux, tu dis ce que tu veux, tu te débrouilles, mais je t'interdis, tu m'entends, je t'interdis de faire passer pour l'amant de cette fille, et en mon absence en plus. Eh ben ne pars pas, puisque de toute façon, moi c'est ce que je dirais, puisque je peux plus rien dire d'autre. Eh, c'est l'évidence. Comment ça, quelle évidence, puisque c'est faux? Mais naturellement que c'est faux, mais c'est combiné pour avoir l'air vrai. Alors moi je peux plus rien changer. Bah moi je n'accepte pas. Mes enfants, nous n'avons plus rien. Ah, c'est terrible ces maisons qu'on n'habite pas tout le temps. Quand on arrive, on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui manquent. Et ne vous dérangez surtout pas pour moi, je pars. Comment? Et figure-toi, il veut s'en aller. Mais pourquoi? Je viens de lui expliquer, j'ai une affaire embêtante à Paris avec un vendeur et il faut que je rentre. Mais enfin, c'est ridicule. C'est bien ce que je lui ai dit. Oh, mais on était content que vous soyez là, voyons. Tu lui as dit quelque chose qui l'a vexé? Hein? Mais enfin, tu sais bien que je l'adore, voyons. Bon! Alors oubliez votre vendeur et restez. Oh non, hélas, c'est impossible. Oh mais enfin voyons, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin je veux dire, j'ai prévu un merveilleux petit dîner pour 3. Non, pour 4. Oui, enfin c'est pour 3, mais vous pourrez manger comme 4 si vous voulez. Ah oui, t'inquiète pas, on va acheter ce qu'il faut, il y aura assez. Mais pourquoi? Il a peur de manquer? Mais non. Non, non, mais enfin, on aura vraiment de l'appétit comme quatre. Comment le sais-tu? Eh bien, voilà. Oui, non, écoutez, franchement, c'est pas la peine de parler de tout ça. De toute façon, je m'en vais. Hein. Eh, que tu sois là ou pas, je t'ai dit que ça n'y change rien. Mais de quoi parlez-vous? C'est-à-dire que voilà, tu comprends, il y a eu brusquement des scrupules. Des scrupules? Mais non. Mais si, il se sent gêné, et c'est pourquoi il veut s'en aller. Mais pas du tout. Mais si, enfin, tu comprends ça, toi. Ah, pas du tout. À peine arrivé, il veut partir et il est gêné. Mais gêné de quoi? Mais de rien. Mais si, il est gêné de m'avoir dit la vérité sur sa vie intime. Comment? Mais non. Il m'a avoué sa liaison. Quoi? Non, n'écoutez pas ce qu'il vous dit, Jacqueline. Ah, tu vois, hein, tu vois, devant toi, il ose pas le dire. J'ai rien dit, moi. Mais pourquoi le nier, puisque tu me l'as dit? Puisque je sais que c'est ta maîtresse. Quoi? T'as vu, hein, devant toi, il ose plus dire qu'il me l'a dit. J'ai rien dit, moi. Mais ce qu'il est drôle. Mais est-ce que j'en fais un drame, moi? Non, hein. Et ben alors? C'est vrai qu'on connaît la vie, on n'est pas né d'hier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire que... Eh ben, tu vois bien. Alors répète-lui donc ce que tu viens de me dire. J'ai rien dit. Ah, est-il, oui, ne pas vouloir répéter devant toi qui me l'a dit. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah, mais moi, rien, rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Mais puisque tu me l'as dit, hein? C'est si simple d'avouer. Eh bien, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu me dis? Qui te l'a dit? Non. Mais si! Alors, avoue. Eh bien, oui, j'avoue. Tu avoues? T'avoues quoi, toi? Non, Jacqueline veut simplement dire que puisque je l'ai dit devant toi, c'est aussi simple que j'avoue devant elle. Eh ben oui, tellement plus simple. Alors là, je suis sidérée. Bah de quoi? Eh bien, qu'il t'ait dit que lui est... Et Brigitte. Ben, elle s'appelle Brigitte. Eh ben voilà. Mais voilà quoi? Brigitte. Il se décide enfin à te dire qu'elle s'appelle Brigitte. Mais qui ça? Mais sa maîtresse. Comment? Ah, mais ça, c'est pas vrai. Ah, mais si, tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais enfin, voyons, c'est inimaginable. Quand tu me l'as dit? Oui. Hein? Non. Enfin, je sais plus, moi. Non. Non, que tu saches qu'il a une... Que tu sois au courant et que moi... Alors ça, c'est d'une goujaterie. Ah, non, il faut rien exagérer. Il n'y a pour rien, lui. Non, mais comment il n'y est pour rien? Il arrive ici sans prévenir avec une... Mais tout ça, voyons, c'est de ma faute. Parce que quand je lui ai téléphoné pour l'inviter, il m'a demandé s'il pouvait amener sa copine. Oui, non, voilà, écoutez, franchement, c'est pas la peine de parler de tout ça. De toute façon, je m'en vais. Hein. Tu vois comme il est. Alors, parce que moi, j'ai oublié de te prévenir qu'il ne viendrait pas seul. Maintenant, il veut s'en aller. Non, avoue quand même que c'est quand même faire beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. Ah, tu trouves? Ah, bah oui, pas toi. Ah non, alors, non. Je te trouve bien formaliste. Formaliste? Je suis formaliste, moi. Écoute, excuse-moi, mais enfin, si c'est pas formaliste de te mettre dans un état pareil parce que sa copine vient sans que tu les suives à l'avance, alors qu'est-ce que c'est ça, hein, si c'est pas formaliste? Eh bien, c'est... C'est gênant pour elle. Mais parfaitement. C'est très gênant pour une maîtresse. De maison. Maîtresse de maison. Oui, de maison. Quoi, d'attendre une personne et qu'il en vienne deux? Voilà. C'est ça. Je ne sais pas ce qui me retient de vous demander de partir. Mais ça, justement, si je pouvais. Mais enfin, Jacqueline! Mais enfin, Jacqueline! Tu te rends compte de ce que tu es en train de lui dire? C'est tout juste si tu ne le chasses pas. Ma parole, mon Dieu, tu es jalouse. Jalouse? Oh, moi, jalouse? Mais jalouse de qui? Mais de lui! Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais rien du tout! Enfin! Tu étais ravie qu'il soit là. Et à la minute où tu as promis à sa copine, tu deviens furieuse. Moi, je suis furieuse. Ah oui, alors? Ah oui? À tel point que si je ne vous connaissais pas comme je vous connais, mais... Hey, je me demanderais s'il n'y a pas quelque chose entre vous. Non, mais t'es complètement fou, tu sais. Ah non, mais tu sais que t'es complètement fou. Moi, je dis ça comme ça. Ah bon, quand même. Alors? Allô? Alors, où est-elle? Hein, eh bien, votre... Ah oui, tu vas dire ça. Brigitte. Ah ben, Voilà. Eh ben, voilà. Alors, elle a pas pu. Ah, voilà, c'est ça, elle a pas pu. Elle a pas pu. Voilà, tu comprends? Voilà. Elle a pas pu. Voilà. Elle a pas pu partir de Paris en même temps que lui, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, hein? Alors, il lui a dit de prendre le train. Tram, tram, tram. Et le tram, quelle heure? Il ne sait pas, je lui ai demandé, mais il ne sait pas, Alors comme il ne le sait pas, tu vois, et qu'elle, elle n'a pas pu, alors lui, il ne peut pas. Alors comme lui, il ne peut pas, et qu'elle, quand elle a pas pu, et que lui, il lui a dit que de prendre, et qu'elle ne savait pas qu'il ne peut pas, et qu'il était plus, et qu'il... Bah t'écoutes ce que je te dis, oui. Alors il lui a dit de prendre un taxi de la gare jusqu'ici, hein? Taxi. Non, à mon avis, elle arrivera certainement par l'express de 19h25. Hein, tu crois pas, mon vieux? Comment? Je dis qu'elle arrivera certainement par l'express de 19h25, hein. Oh, ben ça, tu connais mieux que moi les horaires. Ah oui, ça sera certainement celui-là, parce que c'est le plus rapide. Hein, mon vieux? Oh, ben si tu le dis, ça Eh ben écoute, il te reste plus qu'à t'installer tranquillement, hein, pendant que nous, on va aller faire les courses. Mais ça, j'aurais préféré vous accompagner. Non, il faut bien que tu restes ici. Non, imagine que ta copine arrive par exemple par le train de 18h05 au lieu de l'autre. Ben, il faut quand même mieux qu'il y ait quelqu'un ici pour lui ouvrir. Bon, ça y est, tu es prête? Oui, je vais chercher ma liste. Dépêche-toi, hein. T'as vu, hein? C'est passé comme une lettre à la poste. Ah, tu trouves, toi? Non, je sais pas pourquoi elle s'est énervée comme ça. Oh, ben réfléchis, c'est vrai, c'est contrariant pour une maîtresse de maison. Ben, t'attends une personne et qu'il en vienne deux. Bon, je sais, tu me l'as déjà dit. Oh, dis-moi. Je compte sur toi, hein, pour tenir ton rôle auprès de Brigitte. Bon, alors là, si tu crois que c'est commode... Ah si, tu verras, c'est très simple. Tu profites de notre absence pour faire connaissance avec elle. Non, mais pour faire connaissance, moi j'aurais préféré que tu sois là. Oui, mais moi il vaut mieux que je sois dehors avec Jacqueline. Comme ça, je pourrais la retenir un peu plus longtemps. Parce que je t'ai pas dit, mais Brigitte, elle est réellement dans le train de 18h05. Je suis prête. Mais si tu veux rester avec lui, je vais y aller sans toi. Ah non, pas du tout. Ah non, on va y aller tous les deux, on ira beaucoup plus vite. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire, tout ça? Lui? Eh ben tiens, il va en profiter pour téléphoner à Paris. Et arranger son histoire de vendeur. Hmm? Oui, parce que comme son vendeur est invendu, eh ben il va en profiter pour se racheter. Ah, mon vieux, hein? Bon, tu viens? Oui, j'arrive, je viens. Alors, toi, tu sais, j'aurais deux mots à te dire. À moi? Oui, à toi, et tu perds rien pour attendre. Non, mais j'arrive. Alors, ça, rien du tout. Mais non, mais j'arrive. Rien du tout. J'arrive. Ça, c'est pas possible. Je suis bien chez monsieur et madame... Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Brigitte. Ah, oui. Brigitte. Oui, l'intérimaire. Eh ben oui, je suis extra. Extra. Ça a l'air de vous étonner. Non, donnez-vous la peine d'entrer, je vous en prie. Merci. Je pensais pas que vous arriveriez si vite. Ah oui, ça vous avez raison, hein. D'autant que place de la gare, j'ai raté le bus. Ah bon? Bah oui, alors j'ai fait un bout à pied et j'ai trouvé un type qui m'a prise en stop. Ah bon? Ah oui, bah heureusement, hein, parce que porter un sac comme ça, c'est pas marrant, je le pose. Non, oui, posez-le, oui. Voilà. Alors je suis montée dans sa voiture. Hein, et puis comme la voiture, ça va plus vite que le bus, bah c'est pour ça que je suis là plus tôt, quoi. Ah, je comprends. Bon, ben, où est la patronne? La patronne? Ah, la patronne, vous voulez dire sa femme? Sa femme? Ben, je sais pas, moi, enfin la patronne, quoi. Ah, ben, elle est sortie avec le patron. Avec son mari, quoi, mais avec Bernard, ils sont allés faire des courses. Ah bon? Et vous êtes... Ah, Robert, moi. Robert, là. L'ami du patron, pas de Bernard, quoi. Ah, d'accord. Je tiens à vous dire tout de suite que ça n'est pas moi qui ai eu cette idée biscornue. Quelle idée? Ben, celle de vous faire venir ici. Ah, ça a été convenu par téléphone. Je sais, ça m'empêche pas de trouver l'attitude de Bernard à s'égratiner. Ah bon? Ah oui, quoi. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce que ça va être comme travail. Ah bon? Oui, mais ça va être plutôt coton. Ah bon? Alors, où allez? Qui ça? À la cuisine. Quoi, vous voulez aller à la cuisine? Ben oui. Si vous dites que ça va être coton, hein, peut-être qu'il faudrait que je jette un œil pour voir comment m'y prendre. Vous y prendre? Ah ben oui, s'il y a des farcis à hacher, des hachés à farcir, enfin je sais pas moi. Oui, non, écoutez, c'est très aimable à vous de vouloir aider, mais... Oh, ben c'est tout naturel. Oui, non, mais moi je sais pas où elle est, la cuisine. Oh, ben si on la cherche, on va la trouver. C'est pas là. Mais non, mais écoutez, nous ne sommes pas chez nous, là. Il faudrait peut-être mieux rien toucher avant qu'il revienne. Ah bon? Bon, bah écoutez, c'est comme vous voudrez, hein. Ah, oh, peut-être qu'en attendant, je pourrais en profiter pour me mettre en tenue. En tenue Ben oui, en tenue de travail. Où est-ce que je peux me déshabiller? Vous déshabillez? Oh ben, j'ai quand même pas emmené mes affaires pour rien. Ah non? Oh ben vous vous imaginez quand même pas que je vais tout faire avec mes habits propres. Mais non, c'est peut-être pas la peine de vous déshabiller maintenant. Ah non? Oh non, non, non, non, vous savez, non, non, c'est inutile de faire le simulacre tout de suite. Hein. Le quoi? Non, je veux dire de pousser les apparences aussi loin. Hein. Ah, quelles apparences? Non, il faut d'abord que vous sachiez qui je suis. Ah, oh, ça je sais, vous êtes l'ami du patron. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a le reste. Quel reste, hein? Eh ben, ce que je fais, je sais pas moi, où j'habite, comment je vis. Vas-y, il faut que je sache tout ça. Ah oui, ça c'est le minimum, ça. Qu'est-ce que Bernard vous a dit sur moi? Le patron? Oui, le patron, si vous voulez, mais... Oh non, c'est pas si je veux, hein. Je t'appelle comme ça parce que c'est lui qui commande. Bon, bah alors qu'est-ce que le... qu'est-ce que le patron vous a dit sur moi? Rien du tout. Comment rien du tout? Mais c'est pas vrai, il vous a pas donné de précision. Oh ben non, mais vous savez, ça s'est fait très vite, j'avais que le week-end. Mais je sais bien que ça s'est fait vite, mais même moi, j'ai été prévenu de votre arrivée qu'il y a un quart d'heure. Faudrait pourtant avoir l'air de bien nous connaître, je sais pas, faudrait peut-être même commencer par nous tutoyer dès maintenant. Ah bon? Vous croyez? Oui, ça c'est indispensable. C'est... Alors voilà, moi je suis dans les ascenseurs. J'habite rue de Courcelles, j'ai une 505 et 35 ans. Oh, on dirait pas. Ah ouais? Tu me donnes combien, toi? 45! Ah, c'est important, j'ai été opéré de l'appendicite. Ah, vous les sympas! Tutu! Quoi, tutu? Non, j'ai pas dit tutu, j'ai dit tutu, là, j'ai dit tutu pour tutoie-moi! Ah oui, d'accord, oui. Ah ouais, ben qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Que t'as été opéré, tout le bazar? Je sais pas, mais ça, c'est des choses qu'on connaît quand on couche ensemble. Tant qu'ils couchent ensemble? Ah oui! Tant qu'ils couchent avec qui? Bah, nous deux! Tu rigoles? Oh non, non, non, ça j'en ai pas du tout envie, non! Non, non, parce qu'il va falloir qu'on couche dans le même lit. Ah, tu rêves. Rassure-toi, je dormirai sur une chaise. Ah, bon? Pas moins que... Pas moins que quoi? Ben là, il y a une deuxième chambre, alors je pourrais toujours dire, je sais pas moi, que... Ah, que ça te gêne de dormir avec moi parce que... Tiens, parce que la nuit, je ronfle. Tu comprends? L'essentiel, c'est que ça paraisse vraisemblable qu'on dorme dans des chambres séparées en étant soi-disant amant. Soi-disant amant? Oui, ça, on te l'a dit, ça. Oh, pas du tout, hein, non, pas du tout, du tout. On m'a rien dit du tout. Mais c'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai. Alors, si je comprends bien, là, t'es au courant de rien. Eh ben, si. Moi, je sais que c'est logé, nourri, ça, 500 francs par jour. Bon, ça, parce que tu te fais payer. Ah, ça t'est convenu comme ça, y a pas à revenir là-dessus. Oui, non, on vient pas, non. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh ben, faire semblant d'être ma maîtresse. Oh oui, mais, seulement semblant? Oh oui, ça c'est bien suffisant, ça, oui. Eh ben, dis donc, si c'est seulement semblant, ça a l'air d'être très très branché, ton truc. Branché? Tu parles, je suis coincé, oui. Pourquoi? Mais parce que, non, ça je peux pas te le dire, je sais pas du tout comment je vais me sortir de ce truc-là. Bon, écoute, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Oh, alors là, rien! Et même si on te pose une question, tu répètes la même chose que moi, hein, point c'est tout. Ah bon? Bon, ben alors, c'est d'accord. Pour un Pascal. Un quoi? Un quoi? Une image de Pascal. Quelle image? Écoute, 500 francs en plus du forfait prévu et je marche dans la combine. Eh ben moi, t'es désintéressé, toi. Faut vivre, hein? Oui, non, mais à ce point-là... Quoi, à ce point-là? Ah bon, d'accord, tu les auras. C'est sûr, hein? Mais oui, c'est sûr. J'ai jamais vu quelqu'un de pareil. Ah, ce sont deux! Bon, vite, installe-toi et surtout, ayons l'air de bien nous connaître. Ah, ouais, on est censé avoir une vie sexuelle. Mais pas comme ça, faut que ça paraisse vraisemblable. Ah bon? Bon, ben d'accord, juste pour 500 francs. Ah, permettez-moi de vous aider, Jacqueline. Non, merci, ça va. Ah, mais la personne que vous attendiez est arrivée. Ah! Oh! Elle est arrivée. Voilà, c'est ça, j'arrive. Eh bien, présentez-nous. Eh bien, voulez-vous me permettre de vous présenter? Voilà. J'ai dû avoir un vertige. Eh bien, présentez-nous. Voilà, voulez-vous me permettre de vous présenter Brigitte. Brigitte, une amie. Enfin, c'est ma... C'est elle, quoi. Voilà. Je suis sa maîtresse. Oui, ça, je sais. Enfin, nous savons. Ah bon, alors, c'est principal, hein. Voilà Jacqueline. Voilà Bernard. Bonjour, madame. Bonjour. Eh, il va dire bonjour. Monsieur. Bonsoir. Hey, il est sympa, mon amant. Oui, non, c'est pour la peine de parler de ça. Hein. Mais tu m'avais dit qu'il fallait que je dise. Mais écoute, faut bien qu'il sache qu'on s'aime. Promets-moi. Ah, vous savez, quand je sens près de moi comme ça. Oh. J'ai envie d'embrasser tout le temps. Ça suffit. Oh, écoute, chérie. Avec tes 35 ans, même si t'en parais 50, tu aimes bien que je t'embrasse quand tu m'emmènes rue de Courcelles, dans ta 507, avant d'aller ronfler. Non mais c'est fini. C'est fini. Alors. Bon, eh bien si on peut plus raconter sa vie alors. Je vous supplie d'excuser Jacqueline. En tout cas, elle est expansive. Oh oui madame, c'est malade. Ah chérie. Si on s'occupe des paquets. Oui. Je peux vous aider? Non, laissez ça. Non, mais je peux vous aider. Non, moi aussi. Non. Vraiment, vous ne voulez pas. Non. Qui êtes-vous, vous? Moi. Comment? Tu la connais pas? Ah, bien sûr que non, t'as pas vu mes signes. Ah si, j'ai bien vu que t'agitais. Évidemment, c'est pas elle. Si, c'est moi. Mais alors, qui c'est? C'est justement ce que je voudrais savoir. Eh ben, c'est moi. Taisez-vous, qui êtes-vous? Sa maîtresse. Alors là, je vous interdis de vous foutre de moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez arrêter. Lui dire? Vous allez répondre ou non? Mais oui, quoi, enfin, réponds! Parle-moi gentiment, chérie. Bon, allez, parle-moi gentiment, chérie. Bon, alors, chérie. Non. Alors, sentiment, d'où sortez-vous, sentiment? Mais de l'agence! Mais quelle agence? Eh ben, je croyais qu'il savait! Mais je sais rien! Vous, qui êtes-vous? Vous! Mais moi, je suis la femme de ménage! Ah, bon, bah! Eh ben si. Si elle était arrivée, elle serait là. Mais la femme de ménage. Elle est pas venue. Ouais. Mais si elle était venue. On aurait entendu sonner. Ouais, la femme de ménage, c'est qu'elle est en retard si elle n'est pas là. Oui, d'ailleurs, toutes les femmes de ménage sont toujours en retard. Ah ben les autres peut-être, hein, mais. Mais ça va être encore plus en retard que les autres. Oui, la preuve, c'est qu'elle devrait être là. Ouais. Mais qu'elle n'est pas là. Mais non, elle n'est pas là. D'ailleurs, s'il y avait une femme de ménage ici. Ah, on l'entendrait. On la verrait. On saurait que c'est la femme de ménage. Mais comme on n'entend rien. Mais qu'on voit rien. Eh ben c'est qu'il n'y a pas de femme de ménage. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu. Ah oui, non, il n'y en a jamais eu. Oui, eh bien, c'est pas la peine de faire tant d'histoires parce que la femme de ménage n'est pas encore là. Ah oui, alors ça, bon, alors là, je comprends pas pourquoi tu fais tant d'histoires. Si elle va finir par arriver. Mais certainement, c'est une très bonne agence. Ah oui, c'est vrai. Quoi donc? Eh ben, quand on s'adresse à une bonne agence, on est du très très bon personnel. Voilà, c'est bien ce que tu voulais dire. Ah non. Ah oui. Bon, alors ça y est, vous vous êtes installé. Ah non, pas encore, non. Non, elle est arrivée juste quelques minutes avant vous. Mais j'étais quelques minutes avant. J'étais justement en train de lui dire. Que vous aviez une deuxième chambre là. Une deuxième chambre là. Et alors elle me disait. Non, elle disait. Me disait que si ça vous dérangeait pas. Ça dérangeait pas. Donc si ça vous dérangeait pas trop... Si ça vous dérangeait pas trop... Elle préférerait coucher dans la deuxième chambre elle là. Elle préférerait coucher dans la deuxième chambre là. Voilà, pas dans la mienne. Pas dans la sienne. Voilà, parce que moi, la nuit... Il ronge. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Vous n'avez pas de valise. Ah, si. Voilà, c'est ça. Ça. Oh, c'est tout simple. Oh, c'est tout simple. Parce que tu comprends, il lui a dit... Prends des affaires toutes simples. Voilà. Alors j'ai pris des affaires toutes simples. Bon, alors venez, mademoiselle. Brigitte, appelez-moi Brigitte. Eh bien, alors venez, Brigitte. Si vous voulez bien lui porter son paquet. Oh, bien volontiers, oui. Mais non, laisse béton, chérie, chez Costaud. Ah oui? Ah Ouais, bah, forcément, hein. D'habitude, des gros travaux. Des gros travaux, gros travaux, gros travaux, les gros travaux du théâtre. Hein, parce que là, bon, t'as pas dit. Parce que voilà, elle est artiste de théâtre, hein, c'est ce que tu m'as expliqué. Ah oui, ça, c'est une artiste dans son genre. Ah, dans son genre, oui. Mais qu'est-ce que c'est, votre genre? Elle débute. Débute. Tu vois, elle débute. Voilà, elle débute au théâtre, hein, c'est ce que tu m'as expliqué. Ah, débute. Ah, oui, oui. Débute, oui, elle débute, oui. Ah, alors, oui, elle débute, bute. Mais enfin, vous avez bien un emploi. Bah oui, femme de ménage. Ah. Voilà, tu comprends, elle débute au théâtre, dans les rôles, enfin dans les emplois de femme de ménage. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et vous êtes cantonnée dans cet emploi? Quasiment. Pas quasiment. On ne peut pas dire que quasiment elle soit cantonnée. Hein. Non. Non, en fait, elle débute dans les emplois de femme de ménage, sans cependant s'y cantonner. Ah voilà, oui. Voilà. Ah non, elle n'est pas cantonnée. Non, elle est bonne à tout faire, quoi. Ah oui, femme de ménage, bonne à tout faire. Voilà, elle a des emplois domestiques. Ah voilà, oui, tous les emplois domestiques. Eh bien, alors, vous allez bien nous réciter quelque chose. Non, ça, c'est rien. Non. Oh, c'est rien. Non, vous savez, elle n'a pas de mémoire. Ah, mais voilà. Ah oui, je me souviens. Elle n'a pas de mémoire. Non, mais c'est normal. Comme elle débute, elle a juste eu l'occasion de dire quelques phrases. Oui, dans le genre, madame est servie. Ah, dans le genre, oui, passer la moulinette à légumes, j'ai fini de goûter les poireaux, je viens d'accoster que l'escalier, là que le boucher, avec une bavette. Ah bah ouais, pour moi, ça, c'est du courant. Hein. Mais vous ne savez rien d'autre? Et elle a franchement, non. Non, elle n'a pas eu le temps. Et dans son répertoire. Non, pour l'instant, elle s'en sort avec ça. Bon, alors venez, mademoiselle, je vais vous installer dans la seconde chambre. Oh, oui, je préfère être seule parce que... Oui, je sais. Il ronfle. Et donner des coups de coude toute la nuit, ça m'empêche de dormir. Alors toi, tu es vraiment le plus bel abruti que la terre a porté. Et quand je dis abruti... Je te préviens tout de suite que si tu commences par des insultes, moi je ne me donnerai même pas la peine de te répondre. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais quoi, ce que j'ai fait? Mais j'ai fait ce qui était prévu. On a sonné, là, j'ai ouvert. J'ai vu une fille qui m'a dit « Je suis Brigitte ». Eh ben pour moi, c'était la bonne. Bah si c'était la bonne, pourquoi tu l'as fait passer pour ta maîtresse? Mais parce que j'ai cru que c'était la bonne! Si j'avais su que c'était ta bonne, j'aurais pas prise pour la bonne! Mais comme ta bonne est arrivée avant la bonne, j'ai pris ta bonne pour la bonne, voilà, c'est clair. Et éblouissant, t'as vu la tête qu'elle a? Quoi, elle est pas mal? Ah, elle est très très bien, avec ses baskets, elle est parfaite. Hein. Oui, bah de toute façon, pour ce que t'en fais, elle est assez bonne. Mais enfin, tu t'es pas rendu compte qu'elle était au courant de rien? Je pensais que t'avais pas eu le temps de lui donner de détails! C'est ça, hein, et tu t'en es chargé! C'est toi qui m'as demandé de faire connaissance, moi j'ai fait ce que j'ai pu! Ah, ça j'ai vu, et je dois reconnaître qu'elle a mis le paquet. Oui, elle a même demandé 500 francs pour le mettre. 500 francs? Mais enfin, ça t'a pas fait tiquer, ça, qu'elle te demande de l'argent? Bon, à notre époque, tout le monde en demande. Puis de toute façon, à ton âge, c'est normal de payer. Merci, hein. De mieux en mieux. Total, ça y est, maintenant ta femme pense que moi je couche avec la bonne. Et qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben ça me... non, dis donc, si... je sais pas, moi, si on lui disait que c'est une blague. Oh, tu crois qu'elle va avaler ça après toutes vos simagrées? Non, là, on est allé beaucoup trop loin. Maintenant, on ne peut plus reculer. On y est, c'est tout. Voilà. J'ai installé votre amie. Oh oui, oui, je préfère être seule parce que... Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Toujours pas de femme de ménage. Et non, toujours pas. Et non, toujours pas. Oh, mais vous ne pouvez pas le savoir puisque vous étiez avec moi. Oui, c'est vrai, ça. Mais comme il dit toujours pas. Ah oui, vous dites toujours pas. Oui, elle dit ça comme ça. Oui, pour suivre. Ah oui, voilà, je suis. Ça prouve qu'elle s'intéresse à la conversation. Oui, ah oui, je m'intéresse à la conversation. Bon, eh bien, je vais commencer à préparer le dîner. Oh, ben, elle va aller avec vous, n'est-ce pas? Oh oui, voilà, comme ça, ce sera mon affaire. Comment? Non, elle veut dire que ça lui ferait plaisir. Oh oui, ça me ferait plaisir. De vous aider. Oui, et comme tu n'as pas encore de femme de ménage. Oui, comme vous n'avez pas encore de femme de ménage. Ah, eh bien, voilà, comme ça, je serai votre femme de ménage. Voilà. Oui, bon, ben voilà. Alors, venez. Oui, peut-être qu'il faudrait que j'en profite pour me mettre en tenue. En tenue? Ah oui, non, elle veut dire si vous pouviez lui prêter un tablier. Un tablier? Oui, un tablier, tu vois, un tablier. Un tablier, j'en ai un, là. Là-bas, à Paris. Voilà, sur ta mère. Et Paris, à Paris, c'est là-bas. À Paris, c'est là-bas. Ah, ben oui. Là-bas, c'est là-bas, mais là... Non, là-bas. Non, là-bas, c'est un très beau tablier qu'elle a là-bas, à Paris. C'est un tablier qui vaut dans les 500 francs. Hein. 500 francs? Au bas mot. Au Mais c'est un tablier de théâtre. Voilà, voilà, et c'est pour ne pas risquer de perdre 500 francs qui est le prix d'un tablier de théâtre. Il n'a pas amené son tablier de Paris. Ah, voilà, c'est pour ça. Enfin, bref, elle voudrait un tablier. Oui, bon, bah, si c'est ça, je vais lui donner un tablier. Oui, un tablier, s'il est grand, ça ira. Mais oui, immense. Allez, venez, c'est par ici. Merci, madame. Oh, la belle cuisine. Oh, dis donc, moi, super. Quelle classe, mes félicitations, vous avez un goût. Et ouais, ça y est, je suis l'amant de la bonne. Oh, bah, dis donc, t'as tout fait pour ça, hein. On est sonné, là? Oui, j'y vais. Qui c'est? Qui veux-tu que ce soit? Bonjour, monsieur. Oh, mon trésor, tu es là! Non, stop, stop, stop, stop, stop, stop! Te fatigue pas, là, te fatigue pas, hein! Calme! Qu'est-ce qu'il a? Oui. Hein? C'est pas lui, Robert? Bah si, c'est lui, si, mais enfin, comme ma femme n'est pas là, c'est pas la peine d'en faire un fromage, hein. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Le fromage vous salue bien. Mon amour, monsieur. Oui, je sais, ma femme n'est pas là, mais elle est dans la pièce à côté. Ah, oui, bon, je te présente Brigitte, la bonne. Merci, j'avais compris. Bon, après, est-ce que t'arrives si tard, toi? Bah, j'ai raté le train. Non, mais attends, tout est changé. Comment ça? Eh ben voilà, alors tu n'es plus du tout, soi-disant, sa maîtresse. Ah non? Non. Qu'est-ce que tu chies, alors? Eh ben, toi, tu es là. Ah! Ah, enfin, vous voilà. Mais madame... Vous avez vu l'heure? Mais madame... Oui, parce que... Alors, elle était en train de m'expliquer, hein. Elle a raté l'autobus. Elle disait qu'elle avait raté l'autobus. Mais vous deviez arriver beaucoup plus tôt, d'après l'agence. L'agence? Oui, le bureau de placement. Le bureau de placement? Bien au même. Bon, elle est en retard. Elle est en retard, hein. C'est pas la peine de s'énerver. Je suis désolée. Mais non, au contraire. Nous sommes enchantés que vous soyez là. N'est-ce pas, vieux? Oui, enchanté, elle est enchantée. Oh, mais c'est à vous, ça. Oui, non, pas du tout, non. Non, non, ça, c'est pas elle. Non, alors ça, je vais t'expliquer. Ça, voilà, ça, c'est à Brigitte. Oui, c'est à Brigitte, parce que vous comprenez, l'amie de monsieur s'appelle aussi Brigitte. Hein? Ah oui, elle s'appelle aussi Brigitte. Mais je ne l'avais pas vue tout à l'heure, ce manteau. T'as pas pu le voir, parce que paf, il était tombé là. Alors quand on est là, on voit pas ce qui est là, parce qu'il y a ça qui gêne. Voilà, il me semble bien qu'elle l'avait posé là en arrivant. Oui, un courant d'air, et schlac, et flac, schlac, il aura glissé. Et c'est pour ça que tu l'as ramassé là. Oh, qu'il est beau. Mais c'est du gros écureuil de Palétuvier. Et il vient de chez Goldenboom. Et Golden Boom! Eh oh. Oui, eh oui, 35 000 francs. Comment? Hein? Eh non! Non, non, parce que voilà, il était en train de nous expliquer qu'il avait payé 35 000 francs, hein, tu l'as dit? Ah si! Eh bien, quand vous faites des cadeaux, vous ne vous moquez pas du monde! Il est très généreux. Je te remercie. J'ai cru une seconde qu'il était à vous. Non, malheureusement pas. Ah, bon. Dites donc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais avec les fonds d'artichaut? Eh bien, vous ne faites plus rien, la femme de ménage vient d'arriver. La femme de ménage? Mais oui, vous voyez bien qu'elle est là. Mais... Alors donnez-lui votre tablier. Quelle génération. Oui, tenez, mettez-le. Mais enfin... Non, écoutez, soyez gentil, ne discutez pas et filez à la cuisine. À la cuisine? Mais oui, naturellement, c'est pas le moment de passer l'aspirateur. Aspirateur? Bon, alors, vous garnissez les fonds d'artichaut et vous surveillez le gratin. Oh, le gratin. Et dès qu'il sera prêt, il faudra s'occuper du soufflet. Ah, du soufflet non plus. Ah oui. Mais surtout du soufflet. Enfin, si ça l'embête, peut-être que je peux rester en cuisine. Mais non, jamais de la vie, on ne va pas s'entasser à trois là-dedans. Mettez plutôt votre manteau dans votre chambre. Un manteau. Eh oui, ton gros écureuil. Ah, mon gros écureuil. De Palétuvier qui traînait par terre. Là. Par terre? C'est par terre, là, c'est pas raisonnable, ça. Mais un manteau de 35 000 francs, laisse pas traîner ça. Mais... Allez, fais ce qu'on te dit. Mais chérie. Quant à vous, votre chambre est là, à côté de la cuisine. Mais... Il voit, c'est bien. Voilà, voilà. Je l'ai mis sur un cintre, pour qu'elle ne s'abîme pas. Voilà, c'est bien. Mais au fait, comment vous appelez-vous? Brigitte. Ah oui, c'est vrai. C'est comme moi. Ah oui, en effet, ça c'est très drôle. Oui, ça c'est rigolo, ça. Eh bien alors, Brigitte. Oui? Mais non, pas vous. Vous? Oui, pour que vous sachiez chez qui vous êtes, monsieur est mon mari, monsieur et cette personne sont des invités. C'est ça, oui, moi je suis la femme du ménage. Oui, ça nous le savons. Ah oui, mais c'est provisoire, hein. Mais comment ça, provisoire? En effet, oui, monsieur a raison. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps, vous voyez. C'est bien ça, de vouloir gravir l'échelle sociale. Oui, mais comme pour le moment vous l'êtes, portez donc votre sac dans votre chambre. Tenez, mademoiselle, je vais vous accompagner. Non, merci, monsieur, c'est inutile, vous dérangez surtout pas pour moi. Non, parce qu'il y a dans de... Non, monsieur, je me débrouillerai très bien toute seule. Bon, bon, eh bien, pendant qu'elle s'installe, hein, moi je vais quand même surveiller le gratin. Elle a l'air d'avoir un tel caractère. Ah, hein, qui ça? La femme de ménage. Ah, bah écoute aussi, enfin, mets-toi à sa place. Alors elle arrive en retard et tu l'enguirlandes. Mais je ne vais tout de même pas lui faire des excuses. Eh ben tu devrais. Tu plaisantes? Bah, j'ai pas raison. Ah oui, c'est parce qu'elle pourrait se fâcher. Alors là, ça risquerait de devenir embêtant, oui. Ah oui, pourquoi? Comment pourquoi? Elle pourrait me plaquer. Enfin, ça veut dire, elle pourrait partir, s'en aller. Non, mais je ne sais pas pourquoi tu prends tellement d'égards. Je ne prends aucun égard. Simplement, on ne vexe pas les gens comme ça. Mais je suis énervée. Et pourquoi? Mais pour rien. C'est vrai, vous savez, il n'y a aucune raison. Hein. Ah non, en effet, il n'y en a aucune. En tout cas, je vous félicite pour le manteau. Il est magnifique, le manteau. Magnifique. Ah oui, c'est... il est superbe. Superbe, c'est le mot. Bon, eh bien, je vais voir ce que font les Brigitte. Mais sers-moi à boire, parce que je sens que j'ai très besoin d'un verre. J'ai jamais vu un merdier pareil. Ça, on n'est pas parti du bon côté. On n'est pas revenu de l'autre non plus. Tu m'as servi? Oui, voilà. Merci. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez boire? Au moins une bière. À cette heure-ci? Bah oui, pourquoi pas? Tu préférerais pas... Quelque chose d'un peu moins, enfin disons un petit peu plus... Ah ouais? De plus raide? Ou un petit rhum? Un petit rhum? Bah oui, c'est de la Martinique. Je crois que j'ai ça. Oh, super! Vous voyez, plus je vous regarde, plus je comprends que vous vous cantonniez dans les rôles de femme de ménage. Ah bon? Ah oui. Ah oui, c'est tout à fait son emploi. Pardon? Oui? Je voudrais savoir exactement ce que je dois faire, moi, là-dedans. Ah, dites-moi, mademoiselle... Vous voulez prendre l'apéritif avec nous? Oh, monsieur, je ne sais pas si je dois. Mais si, mais si, alors. Vraiment? Eh bien oui, puisque mon mari vous le propose. Ah, mais si vous insistez, alors, une vodka? Waouh! C'est parti! Mais très peu, parce qu'après j'ai la tête qui tourne, qu'est-ce que je fais? Mais je n'avais pas remarqué tout à l'heure. C'est vraiment très joli, ce que vous portez là. Ah oui? Ah oui. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais enfin, ça, ça a dû vous coûter au moins les yeux de ma tête. Je ne sais pas du tout, monsieur. C'est un cadeau. Oh, ben si c'est un cadeau... Ah, parce que c'est un cadeau. Ah oui, on t'a dit que c'est un cadeau, c'est un cadeau. Eh ben oui, et puis un cadeau, ça coûte moins cher que d'acheter soi-même, hein. Surtout quand c'est un manteau de 35 000 francs. N'est-ce pas? Et qu'il y a un fou pour le payer. Oh oui, c'est mon avis aussi, ce serait complètement fou de refuser. À la tienne. Dis-moi, qu'est-ce que tu prends? Oh oui, qu'est-ce que je prends? Non, je voulais dire, qu'est-ce que tu veux boire? La même chose que toi, mais plutôt en remontant. De... Bon, eh bien, c'est pas en restant là que le dîner va avancer. Oh, ben, je vais vous aider, moi. Oh non, non, non, nous sommes déjà... Trois bonnes femmes pour deux hommes. Allons, voyons. Oh, quoi, c'est une bonne proportion de bonnes. Oui, vu comme ça, c'est sûr. Mais vous allez quand même tirer la table là. Tirer la table. Oh non! Oh, c'est pas au patron de faire ça. Au patron? Ah oui, non, non, là, oui, elle a dit le patron. Oui, non, c'est parce que c'est l'habitude dans les pièces qu'elle joue, le patron, c'est l'homme. Oui, c'est ça. Au théâtre, souvent, hein, l'homme, c'est l'homme. Hein. Et le patron, c'est super, c'est lui qui paye les frais. Alors là, on voit qu'elle est vraiment pas femme de ménage. Hein, parce qu'elle parlera autrement, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai que ce genre de travail n'est vraiment pas excitant. Oh, mais comment ça? C'est super. On fouille partout, on gratte sur les commissions, on ramène du beurre pour chez soi. Évidemment, ça ne m'étonne pas de vous, ça. Mais non, non, non, c'est pas elle. Hein. Ça, ce sont ses rôles qui sont comme ça. Oui, parce que la réalité, c'est sûrement beaucoup moins rigolo, pas vrai? Oh, ça oui, beaucoup moins. Bon, voyez-vous, si je pouvais être autre chose, eh bien, croyez-moi... Ah, vous n'avez pas l'air d'aimer votre métier, vous. Oh, alors là, vraiment, pas du tout, non? À mon avis, vous êtes devenue femme de ménage à la suite d'un concours de circonstances. Ah, et voilà, comme qui dirait un coup de bol. C'est tout à fait ça. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Non, c'est inutile, voilà. Ça, hein. C'est pas la peine, hein. Non, ça, c'est pas la peine, non. Bon, et bien, vous nous raconterez votre vie tout à l'heure. Ben, ce sera avec plaisir. Oui, parce que là, on a plus urgent. Très juste, je vais m'occuper en cuisine. Vous? Oh, si elle le dit, c'est qu'elle en a envie. Ben oui, mais c'est surtout histoire de m'imprégner du rôle. Bon, eh bien, moi, je n'ai pas confiance. Je vais surveiller le gratin. Je pense que t'es content. Bah écoute-moi, mon amour. Je vais tout de suite. Je ne supporterai pas longtemps cette situation. Ça y est, t'as fait qu'à cause de toi, maintenant, on est dans une situation de gâteau. Voilà, ça y est, j'en étais sûr. Eh ben, allez-y, allez-y. C'est de ma faute, maintenant, c'est ça, hein? Parfaitement. Si vous ne m'aviez pas prise pour l'autre. Mais si c'est pas imbécile, m'avait pas venu de son arrivée, ça serait pas arrivé. Vous n'auriez pas dû confondre. Mais vous m'énervez à la fin, là, c'est vrai, là, derrière vos miroirs vénitiens. Et alors, quoi? Bon, j'ai confondu. Il a confondu. Il est confondu. Il est confondeur. Oh, remarque, il a des excuses, hein. Excusez-vous pas maintenant, c'est moi qui suis bien embêtée. Pourquoi? Parce que tu as l'air d'être la femme de ménage. Oui, non, ça, bon, je réalise que j'aurais pas dû venir ici, c'est tout. Enfin, tu n'es pas heureuse d'être avec moi, hein? Mais si. Eh bien alors. Mais c'est très moche, je n'ai pas de quoi. On va te chaîner. Oui, et le patron m'a demandé de lui regarder dans l'œil. Voilà, pour voir ce qu'il piquait. Comme je ne vois rien. Oh, tu sais que c'est parti. Mais comment le sais-tu? Parce que ça pique plus. Mais oui, quand ça pique plus, hein. C'est parti. Bon. Bon, qu'est-ce qui manque? Les serviettes. Oui. Elles sont dans le placard de droite. Bien, madame. Je ne me souviens pas si c'est dans le haut ou dans le bas, mais vous chercherez. Ah, madame. Je vais chercher. Je vais me débrouiller pour trouver. Mais oui. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi faire? Pour aller te changer. Ah, tu y tiens vraiment? Ah oui, puisqu'on avait décidé de s'habiller un peu pour le dîner. Vous n'avez pas apporté un autre costume? Ah si, bien sûr, j'ai apporté un autre costume, mais... Mais il a complètement oublié de dire à Brigitte qu'on voulait faire une petite soirée habillée. Ouais. Ah, dites donc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je mets le hachis tout de suite dans les fonds? Mais non, vous attendez qu'il refroidisse. Ah oui, c'est ce qu'elle me disait. Ah, dites-moi, s'il vous plaît. Oui? Vous avez pensé à prendre une autre robe? Oh oui, toujours. Toujours? Ah, quand je vais en déplacement, j'en ai toujours une dans le sac. Ah, c'est bien, c'est... Ah, c'est bien, c'est parfait, hein. Oh là là, c'est parfait, hein. Ah bon? Parce que vous voulez que... Oui, on veut bien, non, on verra ça tout à l'heure, hein. Oui, on verra ça tout à l'heure. Bon, alors je mets les fonds au frais, sans le hachis. C'est ça, c'est très gentil. Et puis alors, sans vous demander, si vous trouvez les couverts qui sont dans le buffet, en bas dans le tiroir de gauche. Oui. Bon, alors, comme nous avons tout ce qu'il faut... Vas-y. Oui, je vais y aller. Enfin, je vais y aller tout à l'heure. Je vais pas le laisser tout seul, hein. Je peux aller me changer maintenant si vous voulez. Ouais, ah bah oui, tiens, on va y aller tous les deux. Ah non, on ira chacun notre tour. Comme ça, aucun de nous ne restera seul. Bon, eh bien écoute, si tu y tiens, j'y vais. D'accord. Alors moi, à ta place, je serais morte de honte. Calme-toi. Je vais calmer certainement pas. Non, ne t'énerve pas, je t'en prie, ne t'énerve pas, c'est très mauvais pour le teint. Il paraît que l'intérieur de l'estomac devient orange. Eh bien, avec ça, je supporte. Le mien doit être violet. Oui, quoi? Rien. J'ai dit voilà. Voilà les couverts. Eh bien, posez-les là. Je les dispose. Non, vous les posez. Sans les disposer? Non, je le ferai. Alors, je les pose simplement là? Oui. En vrac? Oui. Autrement dit, je jette? Vous jetez. Oh, ben alors voilà. J'ai jeté. Ça me gêne. Oh, il fait des manières, c'est parce qu'il est timide, hein, timide. Bon, dites donc. Oui. Il me semble que... Oh là là. Alors ça, c'est les queues de champignons qui gratinent. Oui, ça sent la forêt. Je me trompe avec ça. Eh bien, il y a de quoi être fier, vraiment. Non, ah non, c'est bien simple, je me demande où t'as pu la trouver. Non, laisse-moi t'expliquer. T'expliquer quoi? Je te méprise. Non, je me méprise déjà suffisamment moi-même. Comment ça? Bah, vous j'aurais jamais dû accepter. Accepter quoi? Ah non, mais te venir ici, enfin, tu te rends compte, là, vis-à-vis de ton mari, c'est pas très élégant, ça. C'est même pas élégant du tout. Mais t'as beaucoup moins de scrupules quand on se voit à Paris. Mais à Paris, c'est pas la même chose, enfin, tu te rends compte. Ici, là, ici, c'est chez toi, c'est chez vous, c'est chez lui. Ah non, hein, je t'en prie, n'essaie pas de changer de sujet alors que tu m'imposes ta maîtresse. Mais c'est pas ma maîtresse. Et je te préviens tout de suite que tu perds ton temps si tu veux essayer de me faire croire que c'est ta nièce. Eh ben, justement. Mais justement, tu croyais pas si bien dire, c'est ma nièce. Et ne me prends pas en plus pour une idiote. Oh, mais je t'assure. Arrête. Est-ce qu'elle a accepté de dormir dans la même chambre que moi, là? Non, pourquoi? Parce que tu ronfles. Et qu'en ronflant, tu empêches ta maîtresse de dormir. Ma nièce. Alors, si c'est ta nièce, comment ta nièce, c'est elle que tu ronfles? Est-ce que je suis son oncle? Tu fous de moi. Pas du tout, pas du tout. Dans les familles, ces choses-là, ça se sait. De toute façon, je te le dis tout de suite, tu ne t'en sortiras pas. Enfin, écoute, réfléchis à ce que nous sommes là pour l'autre. Eh bien. Eh ben, eh bien, mais si ça avait été ma maîtresse, mais jamais je ne l'aurais amenée ici pour te la montrer. Enfin, quoi? C'est pas fou, c'est logique, ça. Ah oui, oh, vu comme ça, oui. Mais il n'y a pas de vue comme ça, s'il te plaît. Franchement, hein, c'est l'évidence. Oh, bon, admettons. Mais veux-tu me dire ce que ta nièce fait avec ce chéri? Embrasse-moi, et ça ne vous dérange pas, et patati et patata. Ah ben ça, c'est pour avoir l'air d'être ma maîtresse. L'air, et pourquoi l'air? Mais parce qu'à la longue, ton mari pourrait trouver bizarre que je sois toujours seul. Et il ne me connaît pas de femme. Puis il risque pas de m'en connaître, comme la sienne, c'est la mienne. Bon, et alors? Et alors, c'est pour ça que quand il m'a invité, j'ai eu l'idée, j'ai amené ma nièce. Et pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit que c'était ta nièce? Mais parce qu'on lui laisse en croire que c'est ma maîtresse. J'écarte définitivement les soupçons qu'il pourrait avoir vis-à-vis de nous deux. Enfin, vis-à-vis de toi et moi. Alors là, j'aurais jamais pensé à ça. Je sais, c'est très fort, fallait y penser. c'est pas venu tout seul. Oui, mais pour accepter de passer pour ta maîtresse, elle doit quand même avoir l'esprit un peu tordu, ta nièce. Oh, tordu, oui. Ah, oui, tordu, oui. Oui, pour n'importe qui. Mais pas pour elle. Comment ça? Eh ben oui, tu comprends, elle est actrice. Elle se met facilement dans la peau des personnages qu'on lui demande. Mais je croyais qu'elle était spécialisée dans les rôles de bonne. À tout faire. Dans les rôles de bonne, à tout faire. Elle peut tout faire. Elle joue les maîtresses quand ça lui plaît. En ce moment, elle fait un extra pour nous. Ça n'a l'air de rien, ce qu'elle fait en ce moment. Je le sais, ça n'a l'air de rien. Mais pour nous deux, c'est un paravent. Tu comprends ça? Un paravent? Comme ça, je commence à mieux comprendre. Tu te doutais, hein? T'avais pas confiance, hein? Ah, pas bien. Pardon. Voilà! J'ai trouvé les couteaux. Mais là, j'ai eu du mal, hein? Ils étaient sous l'évier dans une boîte à chaussures. Heureusement que je te tiens ton petit intérieur mieux que ça. Oh, mon chéri! Eh bien, ne vous fatiguez plus, je suis au courant. Au courant? Au courant de quoi? Il m'a tout dit. Oui, tout! Ah, ça y est, vous savez que je suis là! Ton tonton. Oui, je sais qu'il est votre tonton. Mon tonton? Oui, ton tonton. Ah, oui. Ton tonton, tonton et tonton? Oh, ouais, je connais la chanson. Oui, bah écoute, si tu connais la chanson, tu la chantes. Oh, bah moi, je peux bien la chanter, hein? Je peux bien la chanter pour tonton. Vous voulez dire pour lui? Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, ça. Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Moi, je veux dire que je la chanterai surtout pour Pascal. Pascal? Non, Pascal, c'est rien, c'est un ami à elle, ça. Mais comment ça, c'est rien? Mais c'est un ami très très cher. Et moi, j'ai pas souvent l'occasion de le voir. Alors, il me manque, surtout en fin de mois. Mais écoute, t'inquiète pas, il a téléphoné, il arrive. Et bien, maintenant que je sais qu'il va venir, c'est comme si je sentais déjà la chaleur de son doux visage contre ma poitrine. Eh bien, c'est une vraie passion, hein? Rassurez-vous, c'est platonique. Voilà, c'est ça. C'est flamé, tonique. Bien, maintenant que je sais qu'il va venir, je peux plus l'empêcher quand c'est la chanson. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant moi, je vais vous aider, bien mais sûr. Non, mais non. Votre nièce va le faire. Oh, ça, je sais le faire, et vite fait. Les tables, j'en ai fait, j'en ai déjà fait. C'est comme qui dirait la routine. Bien, alors moi, qu'est-ce que je fais? Vous? Vous allez vous changer pour le dîner? Très bien. Écoutez, dans ces conditions, je vous laisse donc avec ma nièce. Ah oui, oui, oui. Maintenant que je sais que je vais retrouver mon Pascal, tu peux être tranquille. Tonton. Tonton. Tonton. Et m'énerve. Vous croyez que je suis aussi sa maîtresse? Mais non, ne vous inquiétez pas, je sais bien que vous n'êtes que sa nièce. Ah bon? Mais oui, je sais que vous avez l'air d'être sa maîtresse, uniquement pour jouer les paravents. Les paravents? Et c'est très gentil d'avoir accepté ce rôle. De paravent? Oui. Entre nous, hein, c'est la première fois que je joue un paravent. Ah oui, ça je sais, mais alors là, qu'est-ce que vous voulez jouer bien? Ah oui? Oh là là, est-ce que je suis contente que mon paravent vous plaise? Et comme il n'y a que moi qui sais que vous êtes sa nièce, personne ne se doutera que Robert n'est pas votre amant, puisque vous êtes sa maîtresse en paravent. C'est évident. Hey! Ah, c'est complètement évident. Alors, paravent vous êtes. Et je reste paravent? Voilà. Voilà les serviettes. Vous devinerez jamais où je les ai trouvées. Non, mais l'essentiel, c'est que vous les ayez. Comment ça va, la cuisine? Ça suit son cours. Ah, parfait. Alors, regardez ce qui manque ici. Les verres. Les verres, vous savez où ils sont? Ah non? Non, mais en cherchant bien, on va les trouver. Bon, alors je vous laisse vous en occuper et vous, vous finissez d'arranger ça avec elle. Bien, madame. Moi, je vais passer une robe. Je viens là. Mais non, je vais pas continuer à prendre votre place, hein? Hein? Mais c'est vous qui prenez la mienne! Comment? Bah, puisque c'est vous, la femme de ménage! Et qu'il peut pas y en avoir deux! Non, mais c'est vous qui l'êtes vraiment! Vraiment, vraiment! C'est vous qui le dites? Oh. C'est la vérité! Oh, mais la vérité, il n'y a que les initiés qui la connaissent, la vérité. Et si personne ne veut la dire, la vérité, il n'y en a plus. Et à quoi est-ce que ça vous sert de ne pas vouloir redevenir la femme de ménage? Et moi, ça me sert à gagner gentiment ma vie, voilà. Il ne faut pas m'en empêcher, hein? Qu'est-ce qui se passe, là, hein? Alors? Ça va bien, oui? T'inquiète. Ben non, elle ne veut pas reprendre sa place de femme de ménage. Mais elle ne peut pas, voyons, mon petit bijou, ça m'a l'air de coin, tout eh ça. Eh ben oui, c'est enclenché comme ça, mon petit bijou. C'est très mal enclenché. Ah, ça, t'as raison, c'est un peu le pastis. Oui, bon, ben ça va s'arranger très très vite. Alors dites-moi, je vais vous poser une question et vous allez me répondre par oui ou par non, d'accord? C'est des questions aussi bêtes qu'à la télé? Non, c'est moins, non, c'est mieux, moins bête qu'à la télé. Ah bon? Oui. Ah, je sais pas si je réponds. Mais si, vous allez savoir. Bon, alors voilà la question, n'est-ce pas? Oui. Oh, mais là, oui, qu'est-ce que je gagne? Eh ben, vous allez gagner, vous allez gagner. Eh ben, un paquet de lessive, hein, parce que les paquets de lessive. Bon, 500 francs, vous allez gagner 500 francs. En plus? C'est bien 500 francs, elle va gagner 500 francs. Et chemin, là, en plus? Oui, en plus, c'est pas la peine de crier sur les toits. Bon. Ah, alors, voilà la question. Oui? Alors, voilà la question. Oui? Non, vous direz oui ou non après la question, mais pas pendant, hein. Oui, d'accord. Bon, alors, voilà la question. Alors, si je vous dis comme ça. Si je vous dis, voulez-vous coucher dans la petite chambre qui est à côté de la cuisine, qu'est-ce que vous répondez? Oh, et ben pour 500 francs, tout le monde y va! Et ben voilà, elle a gagné! Alors vous changerez de chambre tout à l'heure, hein? Mais que la patronne n'en sache rien, surtout. Pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que c'est pas normal que la femme de ménage couche dans la chambre d'amis. Parce que vous, par exemple, qui arrivez avec, on peut pas, enfin ça va, avec tout ce respect des yeux, qu'on les établit avec, parce que, on peut venir, après les gens, on pourrait pas les faire penser que c'est inquiété, et c'est... Ouais, enfin, c'est trop compliqué pour vous, tout ça. Bon, alors ça y est, là, ici, vous avez terminé? Il manque les verres. Et ben alors? Ben alors quoi? C'est elle qui y va ou c'est moi? Mais non, c'est vous. Ah bon? Je suis de nouveau la femme de ménage? Non, vous êtes l'invité qui aide au ménage. Ah oui, parce que la femme de ménage, c'est moi. Et ben voilà. Et ben voilà, je lui disais. Elle voulait pas me croire. Elle a fini par y venir. Mais oui. Bon. Eh bien, je vais chercher les verres dans ce caravanserail. Eh ben, tu vois, tout est arrangé. Oui, mais tu t'es débrouillé pour que je reste avec vous toute la soirée. Je vais le faire, ça, mon amour. J'ai l'impression que je te plais plus. Mais si, tu me plais. Tu m'as toujours plu. Oui, je suis dans une situation épouvantable. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Comment, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a marché sur le pied. Oh, vous ne pouvez pas faire attention, non? Mais... Vous ne restez pas planté là. Ce n'est tout de même pas à Brigitte de s'occuper des verres. Ah, bon, j'y vais. Oh là là! Enfin, ça va quand même? Oui, ça va. Et toi, ça va? Moi, ça va très bien. Et voilà, ça y est, je suis prêt. Oh! Oh, vous êtes, comment dirais-je? Hein? Ah ben, il est gris à rayures. Enfin, le mot exact, c'est superbe. Tu es superbe. Mais non, voyons, c'est elle qui est superbe. Oui, ça. Bon, Je vais voir ce qui se passe à la cuisine. Hein. Oui, c'est ça. Bon, alors, dis-moi, il faut que tu lui demandes d'inviter Brigitte à dîner avec nous. Pourquoi? Mais comment pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle moisisse toute seule à l'office pendant que la femme de ménage va s'enfiffrer avec toi à table. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Hein? Ça, j'en sais rien. Oh, dis donc, tu pourrais faire tes commissions toi-même. Mais je ne peux pas, moi, voyons, je ne peux pas. Mais si c'est toi qui demandes comme ça que l'on invite la femme de ménage, bah, hé, hein, ça paraît être naturel. T'es léger, hein? Non. Dis-moi, Bernard, oui? Tu as pensé au vin? Oh, le vin! J'ai complètement oublié le vin. J'y vais tout de suite. Alors, comme ça, je te plais. Beaucoup. Tu es très belle. Tu trouves? Oui, tu as beaucoup d'éclat. Tu as un charme fou. Tu es très excitant. Vraiment? Ah, oui, surtout avec cette robe qui te déshabille. Comme tu voudrais le faire. Oui, elle épouse ton corps. Oui. Comme tu voudrais le faire. Tout à fait. C'est bien vrai, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que tu es le plus beau menteur que je connaisse. Bah, qu'est-ce que c'est encore que cette idée? Et ça. Tu appelles ça des idées, ça? Qu'est-ce que c'est? Ah non. On regarde, mais on ne touche pas. Oui, non, mais de là, je vois pas. Eh bien, ça, c'est un talon de chèque. Un talon de chèque? Oui. Et je viens de l'arracher du carnet de Bernard qui était sous un fauteuil. Il aura glissé de sa poche, probablement. Probablement. Ah, l'important, c'est que tu l'aies retrouvé. N'est-ce pas? Oh, puis de toute façon, dans votre chambre, il n'était pas perdu. Ah non, heureusement. Heureusement, parce qu'il vient de me faire une découverte extraordinaire. Une découverte? Oui. Eh bien, figure-toi que ce talon, numéro 3211-0005, daté d'il y a 8 jours, porte la somme de 35 000 francs à l'ordre de la maison Goldenboom et Goldenboom. Ce qui correspond d'une part au prix annoncé pour le manteau de ta nièce et d'autre part à la griffe cousue dans ce même manteau. À la griffe cousue? Oui, crois-tu? Et au même prix? Oui, crois-tu? Oh, quelle coïncidence! Oui, crois-tu? Ça, oh, c'est inouï! Ah oui, ça, c'est fantastique! Oh, tout à fait! Je dirais même fabuleux! Oh, fabuleux, c'est le bon! Ça, dans un calcul de probabilité, il n'y a pas une chance sur 10 millions pour une pareille rencontre! Hein. Ça, je ne te le fais pas dire! Mais comme ça ne peut pas être le hasard, c'est forcément la réalité! Voilà, ça y est! J'en ai trouvé deux, bien chambrés! Ben, c'est très bien! Vous en faites des têtes tous les deux? Ah, ça pas du tout, il a la sienne. Oui, j'ai la mienne. Ah oui, et toi t'as la tienne? Absolument. Et moi j'ai la mienne. Voilà. On a chacun la sienne, quoi. L'important c'est de pas la perdre. Ah, ça surtout pas. Ah, dis-moi à propos, t'as pensé à la femme de ménage? Mais quoi, la femme de ménage? Oui, parce qu'il était en train de m'expliquer. Ah oui, qu'elle allait sûrement nous entendre. Oui, quand on va manger. Boire. Rire. Et alors, peut-être que pour elle ça va être un peu triste. Oui, de rester dîner. Seule. Dans la cuisine. Dans un coin de table. Enfin, surtout pour une fille. Qui a pas l'air d'aimer le métier qu'elle fait. Mais c'est toi qui as eu cette idée-là? Non, c'est lui. Eh bien, dites donc, tous les deux. On peut dire que pour la délicatesse... Oh. Ah, si, vous êtes des champions de la délicatesse. Non, tu vois, c'est juste histoire de... De créer une ambiance. Oui, enfin, c'est surtout pour cette pauvre fille. Ah oh, oui, parce que nous... On s'en fout. Complètement. Mais dans le fond, pourquoi pas, si ça peut lui faire plaisir. J'ai pensé qu'il fallait apporter ça. Oui, posez-le là. À propos, est-ce que ça vous amuserait de dîner avec nous? Oh, madame, je ne sais pas si ma condition... Mais si, hein. Mais si, oui. Si vous insistez... Ça nous assistons. Acceptez. Ah, mais je voudrais pas vous déranger. Mais voyons, ça ne nous dérange pas du tout. Oh, de rajouter un pouf. Oui, tenez, un pouf, voilà. C'est... Pouf, hein. Alors, je dois dire que ça m'embêtait de rester seule à la cuisine, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, c'est mon anniversaire. Oh, c'est son anniversaire. On dirait que vous l'avez senti. Mais alors, il faudrait peut-être que je me change. Ah, si vous avez quelque chose. Oui, qui vous serve pour les dîners. Ah oui, j'ai une robe de dîner. Eh bien, alors, allez la mettre. Ah, merci, je suis ravie. Alors, à tout de suite. Eh bien, moi, je n'ai jamais vu une femme de ménage comme ça. Moi non plus. Voilà. À vous. Oui, c'est moi, c'est quel sujet? Oh, c'est pour rien. Hey, j'ai dû les frotter, hein, t'avais les pieds sales. Oui, bon, bah, ça va, ça va bien. Bah oui, c'est pas marrant, nettoyer, c'est bien. Oui, bon, bah, ça va. Vous ne vous êtes pas encore changé. Changé? Vous avez bien une robe de dîner. Ah oui, pour les dîners. Ah oui, mais c'est beaucoup plus habillé que ça. Ben voilà, c'est parfait, mon petit. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, allez la mettre. Je voudrais pas vous contrarier, mais... Fais ce qu'on te dit! Elle y va, Bon, eh bien moi je vais enfiler un veston. Hein. Il n'a plus que ça à faire maintenant qu'il a habillé ta nièce. Bah, veux-tu me dire pourquoi il lui aura offert un manteau? Mais tout simplement parce qu'il est son amant. Et qu'il t'a demandé de faire croire que ta nièce était ta maîtresse, pour que je ne doute pas qu'elle est la sienne. Mais jamais de la vie, voyons. Alors si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce que ta nièce est venue avec toi? Hein? Parce que j'ai pensé que ça lui ferait du bien de prendre l'air. Mais pour qu'elle n'attrape pas froid, tu as demandé à Bernard de lui offrir un manteau. Non mais faut pas se fier aux apparences. Tais-toi. Tais-toi parce que tu es encore plus menteur que lui. Et je ne parle pas de ta nièce, parce que celle-là, alors dans le genre, c'est une grande artiste. Ah oui, ça, j'ai l'impression qu'elle va faire une belle carrière. Dans la galanterie, ça sûrement. Tu t'imagines des choses, tu sais, tu t'imagines. Voilà, ça y est, je suis prêt. Bon, alors finissons-en avec ce dîner, mettons-nous à table. Oui, on pourrait peut-être attendre les autres. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. Ah oui, c'est amusant. À vous trouver. La biche a pas la pluie. Mais je croyais que votre tablier était resté à Paris. Ben oui, mais ça, c'est mon tablier de soirée. Elle a vu son costume de théâtre. Pour les dîners? Oh oui, je le mets toujours pour les dîners. Oh, quelle bonne idée. Ben ça, ça c'est une bonne idée. Ah oui, elle a plus amusante. Oh, je suis contente que ça vous plaise. Ah, parce que vous pensez que ça va? Ah, bien sûr, voyons que ça va. Bien sûr que ça va. C'est sa taille, ça, hein? C'est un 38. Mais comment ça a pas l'air d'aller? Je sais, mais ça, c'est... Il y a des trucs, là. Y a, ça, y a, tiens, ça, c'est un truc. Voilà, Évidemment, si on défait les ourlets. Parce qu'avec la mode, ça raccourcit, ça rallonge. Alors je ne coupe jamais. Eh oui, les trucs étaient dans les ourlets. Ah ben évidemment, je suis pleine d'ourlets. Si ces messieurs dames veulent bien passer à table. De mon camarade Confucius, je n'attendrai pas demain pour vous dire si j'ai bien dîné, c'était parfait. Ah, vous trouvez vraiment? Ah, ça oui, délicieux. Superbe, j'ai beaucoup trop mangé. Ce qui prouve que quand il y en a pour trois, il y en a pour cinq. Heureusement que vous aviez compté là. Oui, n'est-ce pas, heureusement. Bon, eh bien, on va se débarrasser de cette vaisselle le plus vite possible pour passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses? Eh oui, les digestifs. Oh, comme digestifs, les liqueurs, c'est spiritueux. Oui, bah écoute, on verra quand on aura rangé tout ça. Oh, mais il y a qu'à tout entasser dans la machine. Mais oui, si elle est là, c'est bien pour ça. Oh, je me disais aussi qu'elle devait servir à quelque chose. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Finalement, je crois que c'est mon smoking qui est trop petit. Ah oh, oui, moi aussi, je me sens saucissonné là-dedans. Moi. C'est tout à fait ça. Alors, non seulement je suis engoncé là-dedans, mais en plus de ça, je crève de chaleur. On n'a plus l'habitude de porter ces trucs-là. Oh, je crois que je vais carrément aller me mettre à mon aise, si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Vous pouvez en faire autant, si vous voulez. Vraiment? Mais oui, comme ça, vous serez prêt. Hein, prêt à quoi? Prêt à quoi? Je sais pas, moi, prêt pour la nuit. C'est exactement ce que je pense. Allez, j'y vais. Et alors, moi, qu'est-ce que je fais? Vous allez vous mettre à votre aise. Ah, si vous le dites. Si je le dis, c'est que j'y tiens. Et si vous y tenez, moi, j'obéis. Oui. Oh là là. Voilà. Il manque encore les verres. Je vais les mettre. Oh non, les secs. J'ai une telle habitude de tout ça. Ça sûrement. Et bien justement, moins que moi. Et alors mettre la machine en route, j'adore. C'est beau comme du Mozart. Bon, et vous aussi, allez-y. Moi, je finis dans juste avec elle. Voilà, comme ça, chacune de notre coin, on sentira pas l'effort. Oh. Vous voulez vraiment pas que j'aille l'aider? Ah non, laissez-la. J'ai déjà eu assez de mal à me contenir pendant tout le dîner pour ne pas exploser. Pour ne pas... Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez déjà vu une idiote? Une idiote? Je dirais même une belle idiote, vous voyez? Pas très bien, non? Alors je vais vous aider. Si cette idiote se trouvait nez à nez avec la maîtresse de son mari. Ah non, mais écoutez, il faut que je vous dise. Oui, c'est ça, dites-le. Dites-moi l'attitude que je devrais avoir. C'est-à-dire que... Enfin, c'est très gênant. Quoi donc? Eh ben, je m'attendais pas à ce que vous me parliez avec cette franchise. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr. Alors d'après vous, comment est-ce que je devrais réagir? Oh, c'est tellement délicat. Mais quoi? Mettez-vous à ma place. Mais au contraire, c'est moi qui vous demande de vous mettre à la mienne. Oui, enfin, je veux dire... C'est sûr que, de toute façon, j'aurais pas dû venir. Eh bien, qu'est-ce que ça changerait? Oh, ben, je me trouverais pas comme ça, devant vous, dans cette situation impossible. Eh bien, alors, essayez d'imaginer que ce n'est pas vous. Pas moi? Mais oui, ce n'est pas vous qui seriez là si l'agence m'avait envoyé une autre femme de ménage. Une autre femme de ménage? Oui, alors c'est à l'autre que j'aurais posé ma question. Mais laquelle? Eh bien, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez vis-à-vis de la nièce de Robert? De la nièce de Robert? C'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Eh bien, Brigitte, celle qui est là, c'est sa nièce. De Robert? Oui. Écoutez, c'est pas possible que ce soit sa nièce, puisqu'elle est là. Vous avez cru comme moi qu'elle était sa maîtresse. C'est-à-dire que... Eh bien, non. Eh bien, non. En réalité, c'est sa nièce. La femme de ménage? Alors ça, je suis d'accord avec vous, elle en a tout à fait l'air. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Quoi? Oui. C'est pas possible. Non, mais comment pas possible? Il couche avec elle. Bernard? Ça, je veux dire, votre mari? Mais absolument, j'en ai la preuve. La preuve? Indiscutable. Oh, le salaud! Voilà! Exactement la réponse que j'attendais. Oh, oui, alors me faire ça à moi! À vous? Oui! Enfin, non, à vous, mais comme je me suis mise à votre place, j'y suis, alors... Je dis à moi comme si c'était vous. Ça, alors quel salaud! Non, mais écoutez, c'est très gentil de participer à ce point-là, mais calmez-vous. Ah, mais... Me calmer... Oui, bien sûr, enfin, si je m'énerve, c'est pour vous parce qu'il me... Enfin, il vous trompe, vous pouvez même pas l'oublier, ça. Mais je ne pense qu'à ça. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? À mon avis? Oui. Je vous parle comme si c'était moi. Eh bien, faites à votre mari ce qu'il vous a fait. Ah, vous voulez dire que je... Oui. Et si ça ne répare pas les dégâts, au moins ça compensera. Et en vous vengeant, vous vengerez toutes les idiotes de la Terre. Eh bien, c'est-à-dire que, entre nous, c'est fait. Non. Si, je me suis déjà vengée, par anticipation. Ah oui, bon alors en effet, non, c'est quand même pas parce que vous avez pris de l'avance que votre mari ne peut pas supporter les conséquences de ce qu'il a fait. Alors ça, c'est très juste. Ce n'est tout de même pas parce que je le trompe que ça lui donne le droit de me tromper. Ah non, alors absolument pas. Ce serait quand même le comble, non? Alors, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, oui? Ça va très bien, n'est-ce pas? Ah oui, ça mieux, c'est pas possible. Eh ben alors, si ça va, tout baigne dans l'huile. Oui, ça pour baigner, ça baigne. Oh, mais je vois que toi aussi, tu es prêt à te baigner. Oui, c'est-à-dire que je me sens mieux comme ça. C'est pas mal, hein? Oh, c'est très bien. Puis alors, en même temps, je suis, comment dirais-je, allégé, décontracté, quoi. C'est de la chance. Non, c'est vrai, après un petit dîner habillé, on peut se détendre un peu, pas vrai? Dans le fond, tu as raison. Je ne vois pas pourquoi je ne me détendrai pas autant que toi. Mais c'est vrai, après tout, c'est une soirée entre amis. Quasiment intime. Voilà, quasiment. Alors, aucune raison de faire des manières. Non, on n'a fait aucune. À moins que ça ne vous dérange. Moi, non, pas du tout. Eh ben alors, hein? Ah oh ben ça y est, ici tout est débarrassé. Oui, oui, à part les fleurs et le pouf. Oh, le pouf! Voilà un problème que je vais régler tout de suite. Celui-là, tu pourras sûrement. Pardon? Non, je dis mettre un peu d'ordre ici, ça n'est pas très compliqué. Ah, mais je peux très bien le faire toute seule. Mais non, je vais vous aider. Oui, c'est ça, aide-la. Voilà. Tu la trouves pas un peu bizarre? Mais non. Oh, toi, tu sais que toi, oh, toi, te prendre dans mes bras, ne serait-ce que... Je t'en prie. Enfin, ne t'énerve pas comme ça. C'est d'accord avec la femme de ménage. On va coucher dans cette chambre. Tu perds ton temps. Mais écoute, regarde, je peux pas faire mieux, hein. Je suis déjà presque tout nu. Let's go to the boudoir. And get a few negligés. Garde ton négligé, moi je file en taxi. Je préfère enfin, tu vas pas faire une histoire parce que ma femme croit que tu es la femme de ménage. Oh, ben si c'était que ça. Mais c'est pas autre chose. Mais si. Si quoi? Ta femme est au courant. Ma femme est au courant. Au courant de quoi? Elle sait tout. Elle sait tout, mais tout quoi? Tout. Tout. Elle m'a dit. Elle t'a dit. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Écoute bien. Mais je t'écoute, je fais que ça. Elle m'a dit qu'est-ce que vous feriez à ma place? Oui? Si vous appreniez que votre mari a une maîtresse. Qu'est-ce que vous feriez à ma place si vous apprenez quoi? Elle t'a dit ça? Oui, il n'y a pas 5 minutes. Mais c'est épouvantable! Ah oui, surtout pour toi. Enfin, il fallait nier. Nier quoi? Tout en vrac. Impossible, il a la preuve. La preuve, quelle preuve? Indiscutable, paraît-il. Attends. Bon, alors dis-moi, comment a-t-elle réagi quand tu lui as avoué? Avoué? Avoué quoi? Bah, que toi et moi. Ah, non, tu n'y es pas du tout. Moi, j'y suis pour rien. Comment pour rien? Hé, hey, oh, oh! J'étais pas tout seul, hein? Non, je pouvais pas avouer une chose que j'ignorais avant que ta femme me l'apprenne. Mais t'apprennes quoi? Que pour un salaud, tu es vraiment ce qui s'appelle un salaud. C'est sûr, je comprends rien du tout ce que tu me dis. Mais décidément, tu as tous les culots, hein? Eh bien, figure-toi que je sais moi aussi que tu couches avec sa nièce. Avec sa nièce? Oui. Mais quelle nièce? Quelle nièce? La seule, l'unique, celle de ton copain. Vous êtes vraiment aussi menteurs l'un que l'autre. Attends. Hein. Alors d'abord, premièrement, je ne savais pas qu'il avait une nièce. Et ensuite, deuxièmement, je ne la connais pas. Clac! Ça, c'est une preuve, hein. Ah non? Tu ne connais pas cette Brigitte qui est à la cuisine? Quoi, la femme de ménage? Non, ta maîtresse. Mon frère, réfléchis, voyons. Je peux pas être l'amant de la femme de ménage. Mais ça suffit, hein? Elle est pas plus femme de ménage que moi. Il y a pas de femme de ménage. Il y a jamais eu de femme de ménage. Il y a que cette fille qui est ta maîtresse. Quoi, cette Brigitte qui est là? Oui, celle-là même. Alors si je comprends bien, ma femme ne sait pas que toi et moi. Non. Alors ça, nous deux, ça peut même pas les fleurer, tu vois. Ça, c'est un coup de peau, là. Mais rien ne te dit que je ne vais pas donner un grand coup de pied dans ce pot pour le faire valser. Je vois pas l'intérêt. Et mon amour propre, qu'est-ce que tu en fais? Alors, si tu persistes à nier que cette fille est ta maîtresse... Oui, parce que c'est grotesque. Eh bien, ta femme saura dans 5 minutes que moi, je suis pour toi. Bon, c'est parfait. Alors, allons-y. Je suis l'amant de la femme de ménage. Tu couches avec la nièce de Robert. Puis tiens. Ah ben absolument, sinon je balance pas. Je t'ai dit, j'avoue. Voilà, j'avoue. Bon, j'ai avoué. Mais tu sais, mon bijou, tout ça, ce n'est qu'une passade. Mais c'est trop facile! On saute n'importe qui et on dit, oh pardon, excusez-moi, c'est une erreur. Bon, enfin, réfléchis un petit peu, hein? Réfléchis! Mais réfléchis! Si t'as quelque chose entre les boucles d'oreilles, enfin, si c'était vrai, je t'aurais pas demandé de venir ici. Vrai ou faux, ta femme est sûre que c'est vrai. Mais moi, dans tout ça, j'ai quand même eu un prix de consolation. Ah, un prix. Ah, oui. Superbe! Ta femme a un amant. Elle a un amant. Tu te fous de moi, là? Pas du tout. Bah, comment tu le sais? Ah, ben, c'est elle qui me l'a dit, sans ça. Je ne connaîtrais pas l'existence de cet heureux bénéficiaire. C'est pas possible. Tu me fais marcher, là, hein? Je vois vraiment pas pourquoi tu es dans cet état. Ah, c'est ça, tiens, je devrais hurler de joie, peut-être. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Puisque tu la trompes avec moi, avec l'autre... Eh oh là, eh oh, eh oh! C'est pas pareil. Évidemment, pour toi, rien n'est jamais pareil quand c'est toi que ça concerne. Parfaitement. J'ai ma dignité. Tu t'es bien foutu de celle des autres. Oh, quand même. Oh, je méritais pas ça. Hein. Bien sûr que non. Aux hommes, tout est permis. Aux femmes, rien du tout. Oh, je t'en prie. J'apprends que ma femme a un amant. Tu pourrais être un peu plus gentil avec moi, quand même. Ah, t'en voilà, toi. Oui, tu vois, j'ai fait comme toi, je me suis mise à l'aise. Oui, je vois, très très à l'aise. Mais tu as eu raison, je me sens beaucoup mieux. Oh, ça, je n'en doute pas. C'est très joli, votre... Je trouve aussi. C'est un cadeau de mon mari. Ah, c'est vous qui... Oui, c'est moi qui... Une pure merveille. Oui. Et la vaisselle. Bon. Oh, il a une musicalité extraordinaire. Je me suis cru au Festival de Salzbourg. Eh bien, je suis contente qu'il vous plaise. Un virtuose. Alors, je me suis laissée bercer par ses rythmes. Et j'en ai profité pour m'occuper un peu du reste. Vous êtes une vraie petite femme d'intérieur, à ce que je vois. Oh oui. Maintenant, on pourrait sucer le carrelage. Rien ne vous en empêche. Oh non, je vous le laisse, je suis pas tellement sucrerie. On va finir votre lit? Le mien? Non, le sien. Ah bon? Ah mais moi j'ai vu que le mien était parfait. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Ben oui, mais quand on sait pas qu'il faut le faire. Eh bien maintenant, vous le savez. Eh ben je vais le faire. Hein? Parce que comme on fait son lit, on se... Ouais ben on connaît les paroles, hein. Pas la peine que je vous chante la zizique. Et toi, tu dois sortir les alcools. Pourquoi? T'as du mal à digérer. Non, non, le dîner, ça va. Bon, moi, je vais commencer à faire mon lit. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous chercher des oreillers. Merci. Un amant. Un amant. Il faut que je te parle. Dis-moi, tu fais pas une fixation dans les rayures, toi? Enfin, je vois que toi aussi, tu t'es mis à ton aise. Oui, je me sens vieux comme ça. Oh, ça, je n'en doute pas. Tu veux boire quelque chose? Oui. Ça? Ça. Alors, dans l'ensemble, tout va comme tu veux? Dans l'ensemble, oui. Eh ben, tant mieux, alors. À part quelques détails? Ah bon, il y a des détails... Oui, il y a des détails. Il y a des détails qui ne vont pas du tout. Si je peux être utile à quoi que ce soit... Ben, je sais que toi aussi, tu fais face sur tous les fronts. Hein. Mon Dieu, moi j'essaye d'apporter ma petite contribution dans la mesure de mes moyens bien modestes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vais te donner tout de suite l'occasion de t'en servir. Oui, avec plaisir si je peux, oui. Tu vas pouvoir. Voyons, voyons. Alors dis-moi, si tu étais marié, comment tu réagirais, toi, si tu découvrais que ta femme a un amant? T'appelles ça une idée, toi? T'appelles ça une idée, toi? Non, non, bien sûr, non. Mais je te préviens, hein, ça va pas se passer comme ça. Non, non, bien sûr, non. T'arrêtes de dire tout le temps, non, non, bien sûr, hein. C'est un tic ou quoi? Non, non, bien sûr. Non, non, non, non. Non, non, non, non, je dis ça parce que je suis consterné. Pas tant que moi. Non, non, bien sûr. Non, non, non, non. Non, je te jure, je dis ça parce que je suis consterné. Bon, d'accord, t'es consterné. Ça sert à quoi de le répéter, hein? À quoi? À rien. Voilà, à rien. Ce qui est fait, fait. Je te remercie d'abord de ne pas hausser le ton. Hein. Le ton? Oui, je comprends que tu sois dans un état épouvantable. Ah, il y a de quoi? Oui, ben, faut pas t'énerver. Hein. J'ai du mal, franchement, j'ai beaucoup de mal. Oui, ben, continue à te contrôler. Comme trop, trop, c'est trop. Je sens que ça monte à l'intérieur comme une vague. Oui, et par exemple, si tu pensais à autre chose... Penser à autre chose? Avec ce que je viens d'apprendre? Mais t'es complètement malade, non? Oui, tu sais, moi, je disais ça, c'est pour que la vague, tu la comprimes. La comprimer? Ah non, au contraire. Je vais la laisser exploser. Non, non, si, non, hein. Ça, tu m'as déjà. Je sens que ça vient, je vois monter à l'horizon, mon poing dans la gueule, et bang, toutes les dents qui sautent, et gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling. Oui, non, les dents, ça se voit quand on les voit plus. Ah, t'as raison. D'ailleurs, je vais laisser tomber les dents sans les faire tomber moi-même. Ah, ben voilà, ça va, là, c'est plus raisonnable, ça, déjà. Et j'y pense. Je viens de lire un bouquin japonais avec des recettes à te rouler par terre. Oui, ben les Japonais, c'est toujours de la cuisine de la vapeur. Hein. Mais non, des recettes à l'usage des maris pour assaisonner les salopards, si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai pas lu le livre, alors je peux pas. T'as par exemple le soula kéké. J'ai dit soula kéké. Soula kéké. C'est le nom de ces longues aiguilles que les geishas se plantent dans le chignon. Ah oui? Oui, alors quand elles veulent se venger d'une infidélité, elles les plantent ailleurs. Où ça? Tavine. Oh non, oh non, oh non, oh non, eh. Mais si, mais si, mais si. Acupuncture story, ils appellent ça. Et après ce traitement, elles sont définitivement inutilisables. Les aiguilles? Les aiguilles, pourquoi pas les geishas aussi? D'ailleurs, je vais te dire, la traduction littérale de sous la kéké... C'est « Tu ne seras plus jamais un homme, mon fils. » Non, t'expelles. Alors après le soula kéké, tout est fini, kiki. Non. Mais si, mais si, mais si. Et alors après ça, t'as qu'à te boucher. Hein. Oui, ça, je m'en doute. Non, j'ai dit t'as qu'à te boucher. Non, j'ai pas besoin. Mais de quoi? De me moucher. Oh non, tu n'y es pas du tout, non, non. T'as qu'à te boucher, c'est le nom d'une autre recette japonaise. T'as qu'à te boucher, t'as qu'à te boucher, t'as qu'à te boucher. Parce que le japonais est une langue qui se décline. Sous la coco, sous la kiki, sous la kéké. Et le sous la kéké à côté du taquet-poucho, c'est une plaisanterie, hein. À ce point-là... Le mari trompé, c'est un peu comme s'il avait pris un coup de poignard dans le dos. Ah, c'est-à-dire que... Tu as pas tout le contraire, non? Non, non, non, non, non, non, non. Hein, alors, ce coup de poignard, pour coup de poignard. Ah, écoute, pardon, pardon, hein. T'es sourd ou quoi? Non, je te demandais pardon. Ah, écoute ce que je te dis. Alors, le mari trompé attend que le salopard se penche en avant. Pour cueillir une fleur de lotus. Oh, oh, oh, elle part dans le milieu. Ah! Écoute ce que je te dis, hein. Non, mais pour que ça marche, faut quand même qu'il y ait une fleur de lotus, hein. Et ça marche aussi bien avec les pâquerettes, hein. Et puis dans la vie, des fois, tu te baisses pour remonter tes chaussettes. Ah oui, ça m'arrive, oui. Eh ben, je serai derrière, moi, à ce moment-là. Pour me remonter mes chaussettes? Mais non, je serai derrière pour ça, derrière. Écoute ce que je te dis, hein. Ne fais pas répéter 36 fois la même chose. Oh, pardon, écoute, pardon. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses du taquet de boucher? Ça doit faire mal. Ça, je te le fais pas dire. Du reste, en japonais, taquet de boucher, ça veut dire l'arme blanche sous la lune. C'est imagé. Oh. Ah non, tu y es pas du tout. Non, l'arme, ça veut dire larme. C'est-à-dire que ça te fait couler des larmes blanches parce qu'elles sont éclairées par la lune. Oui. Si j'ai bien compris, après le taquet de boucher, t'as plus qu'à te boucher. Y'a pas à dire, tu sais, l'Extrême-Orient, quel raffinement. Oh, ça, non. Bon, alors entre les deux, tu choisis quoi, toi? Répondre comme ça tout de suite. Prends ton temps, je suis pas pressé. D'ailleurs, je commence déjà à me calmer. Puis tu sais, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Même avec des baguettes. Tu l'as dit toi-même, ça servira à rien. Je le sais que ça servira à rien. Mais j'aimerais que ça soit toi qui fasse ce choix pour moi. Enfin, tu te rends compte, là, si tu te fais prendre, enfin. Personne ne saura jamais que c'est moi. Parce qu'après le soulaké ou le taquet bouché, je file en Honda ou en Kawasaki. Et je me perds dans les brumes de la bêtisée. Qu'est-ce qu'il disait, la bête? Non, c'est les brumes de la bêtisée. Mais alors, il disait quoi? Non, c'est la bêtisée. Non, parce que moi, je l'ai laissé sur le Kawasaki, là. Après, je sais pas si c'est le bruit de la moto, j'ai pas entendu la suite. Bah, non. D'abord, premièrement, la bête fait pas de kawa. C'est la bête disait. Oui, et alors, il disait quoi? Mais t'as pas le droit de dire quoi? Tiens, je vais me gêner. Quoi? À la rigueur, tu peux dire où, mais quoi, tu peux pas. Et où, j'ai pas besoin, je sais, c'est sur les moutons. Mais non, c'est la bêtisée, un point c'est tout. Ah, il disait un point c'est tout. Non. Écoute. Non, parce que, écoute, tu comprends, moi, là-dedans, j'ai le sujet, c'est la bête. J'ai le verbe, c'est disait. Je voudrais bien le complément d'objet direct. Bah écoute. D'abord, la baie, c'est le lieu. Disait, c'est le nom. Laisse tomber les compléments. Non, mais si je laisse tomber les compléments, je saurais jamais ce que disait la baie. Bon, alors. La baie disait, j'épelle, disait, D'apostrophe, ISC. Zéro. Zéro point D, D-I-S-I-T. Disait, D'apostrophe, I-S-C, baie japonaise. Ah, la baie japonaise? Ouais. Ah bon, on le dit, ça, on le dit. On laisse pas les gens. Ah ben non, c'est la baie d'Issée, c'est la baie japonaise. Oui. Ah non, mais ça se prononce pas comme ça, ça se prononce pas comme ça, ça se prononce... La baie d'Issée. Ah, si tu fais la baie d'Issée, c'est du chinois. Le japonais, c'est pas ça. Le japonais, c'est Sarodanya. Attends, Chico, Otorzi, Saïdo, Taïyo, Otorzi. あかそいたいこ。私こたいとい。おさいたいこよい。男しいといよぞ。おさい。私こ。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私 Faut tout ça pour dire la bêtise. Non, ça c'est le raccourci en venant de chez toi pour y aller. Bon alors, sous la kékoute à quatre couchées, va t'en décider toi. Bah, écoute, comme t'as pas l'air d'être à deux ou trois jours près, hein, ce que je vais faire, c'est partir pour plus la revoir. Hein. Mais qui ça? Bah, ta femme. Oh, bah, tu t'imagines tout de même pas que je vais la mettre au courant de cette histoire? Ah non, je t'interdis de lui en parler. Tu sais, moi, je m'entraîne déjà à être un tombeau, alors. Eh bah, continue, parce que je vais pas le rater. Hein. Ah bon? Ah, ça, il va avoir la surprise. Mais qui ça? Ce salopard, dès qu'il me tombe sous la main, Je me pose une question. Là-dessous, tu sais pas qui c'est? Bien sûr que non. Si je le savais, il serait déjà en miettes. Je respire. Je disais, j'aspire à ce que tu évites le pire. Et je vais le débusquer. Oh, bah, comment tu vas faire là? Tu sais pas qui c'est? T'es même pas sûr qu'il existe. Mais comment pas sûr, hein? C'est Jacqueline qui l'a dit à Brigitte et qui vient de me le répéter. Oh, bah, ça alors? J'apprends que ma femme a un amant et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est oh, bah, ça Non, ça c'est parce que j'étais sidéré. Ah non, non, mais maintenant que j'ai réalisé, alors là oui, t'as qu'à te moucher. Sortez pas. Mais non, j'ai pas besoin. Ah non, je disais t'as qu'à te moucher sous la caisse. Enfin, on dirait que tu travailles, hein. Complet pour ce salopard. Oui, noiserie. Allez, hop, au Japon. Sans compter que cette histoire a complètement tapé sur le système de Jacqueline. Ah bon? Alors, figure-toi que maintenant, elle est persuadée que la femme de ménage, c'est ta nièce. Ma nièce? Texmel. Non, mais tu plaisantes, là. Est-ce que j'en ai l'air? Pas tellement, non. Et que je couche avec elle. Toi? Moi. Avec ma nièce? Mais non! Avec la femme de ménage. Ah, ah, ça, je te le fais pas dire. Voilà. Oh. J'ai bien réfléchi. Il n'y a pas de raison que je garde plus longtemps pour moi ce que je sais sur toi. Sur moi? Oui. Brigitte? Oui? Oui, j'ai parlé avec elle et elle m'a conseillé de faire éclater toute la vérité, n'est-ce pas? Oui, ça, la vérité, il n'y a rien de tel. Alors, je tiens à te dire que je sais que tu es son amant. C'est toi qui l'as dit? Tu veux rire? Alors, c'est toi? Tu tutoies la femme de ménage? La femme de ménage? Ben oui, moi. Eh ben oui, elle, c'est la femme de ménage. Eh bien oui, c'est la femme de ménage. Eh tiens, regarde, elle a encore un bleu de travail. Non, parce que, tu comprends, pendant un moment, j'ai cru que t'as cru que tu croyais que moi, j'étais l'amant de la femme de ménage. Alors là, je me suis dit, ma femme de ménage. Oh, elle est drôle, celle-là, je l'ai notée. Je parlais de l'autre. L'autre. Mais oui, vous savez bien que moi, je ne suis pas de votre vie. Voilà. Je me suis mise en tenue comme vous pour être... Oui, pour être prête. Oui, prête à me coucher. Alors ça, je ne vous le fais pas dire. La couette que vous avez, c'est une bonne couette, hein? Chaude et légère. Un peu comme vous, quoi. Inutile de mentir davantage. Je sais que vous êtes sa maîtresse. À ce grand-là? Oui. Ah bon? Alors si je comprends bien, on est de plein pied dans l'adultère mondain. Oui, simple. Donc, comme je connais la vérité sur toi... Je trouve logique que tu la connaisses aussi sur moi. Jacqueline? Quoi? Non, j'ai rien dit. Et si tu as une maîtresse, eh bien c'est normal que moi j'ai un amant. Oui, j'ai appris cette nouvelle par la rumeur publique. Simplement, je ne sais pas qui c'est, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, je vais te le dire. Jacqueline, je t'ai surpris. Bon, ben alors, qui est-ce? Lui! Et lui, tu rêves? Pas du tout. Et toi? Ta femme plaisante, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, mais non, j'écoute, il écoute. Nous écoutons. Et je suis sûre que devant moi, il ne sera pas de soutenir le contraire. Enfin, vous vous rendez compte là, de ce que vous dites? Enfin, tu te rends compte là? Pas encore très bien, mais peut-être qu'il y a des précisions que ça va venir. Oh, mais moi, je crois qu'il va s'assumer, tonton. Hein? Après tout, c'est un incident de parcours. Ça fait partie des aléas de la vie sexuelle. En tous les cas, si tu confirmes ce qu'elle vient de dire, Tu es l'ami le plus saligot et le plus dégueulasse que j'ai eu de ma vie. Et alors là, sous la kéké, sous la kéké, sous la kéké, sous la kéké. Et après ça, t'as qu'à te moucher. Chlagne. Ah ! Mais pourquoi veux-tu qu'il se mouche ? Oui, le fait. Oh, pardon, pardon, pardon, pardon, un verre de thé. Où ça ? Tais-toi, toi, tais-toi. À côté de toi. Ah bon ? Non, mais je vois rien. À côté de toi, je suis un verre de thé. C'est toi le verre, t'entends? Quand je pense que t'as été un ami si cher. Oh non, je t'en prie, je t'en supplie, ne m'écrase pas de ta bonté. Oh, mais un verre, quand il y en a un bout d'écrasé, ça repousse. Tais-toi! Écoute, je vais partir. Entre à terre. On n'a pas sonné? Si, on a sonné. Mais qu'est-ce qui peut bien venir nous embêter à cette heure-ci? Ah, ça doit être le voisin. Il doit encore avoir une fuite, alors il vient chercher la clé anglaise. Bon, je vais l'expédier. Oui, ça m'arrange. Mais t'en as pour un bout de temps parce que c'est un pot de colle. Voilà. Alors les rasers, hein, très peu pour moi. Et toi, ça va te donner le temps de choisir. De choisir? Oui, entre le sous la kiké et le taquet touché. Le taquet touché? Allez, avec un grand coup de saké. Coup de saké? Oui, mais regarde les oreilles, il y a les manches. Non, non, non, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, je pense que vous voulez une clé anglaise. Hein, une clé anglaise? Vous êtes bien là à cause d'une fuite. Ah oui, oh, mais c'est réparé. Réparé? Oui, je sors de chez eux. De chez qui? Bah, de chez les Poncelets. Les Poncelets? Oui, vos voisins. Ah, les... Eh bah oui, c'était le lavabo du premier. Du premier? Bah oui, vous comprenez, comme ils viennent pas souvent, eh bah les joints sèchent, alors forcément ça finit par claquer. Et comme par hasard, les fuites, c'est toujours la nuit que ça fuit. Je ne savais pas. Oh, eh bah c'est comme ça, c'est comme ça. Alors comme ils avaient déjà les joues dans le rez-de-chaussée, là, ils m'ont téléphoné complètement paniqué. Vous vous rendez compte, hein? Paniqué pour avoir de l'eau jusqu'au genou, hein? Oh, des gens de la ville, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, bref, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'ai sauté du lit direct dans ma camionnette, pouf! Et c'est pour ça que je m'excuse de me présenter comme ça devant vous. Oh, mais non, mais non, mais... Ah non, mais je fais ça pour dépanner. Oui, oui, je comprends. Ah oui, parce que je suis pas plombier. Ah non? Ah non. Non, en réalité, c'est moi qui m'occupe du jardin des Poncelets. Ah, c'est ça. Oui, alors je leur plante des impatiences au printemps, là, voyez. Oui. Et puis alors, vers octobre, bah, je leur mets plutôt des pensées. Comme ça, ils viennent n'importe quand, ils ont toujours du fleuri, vous comprenez? Très bien, très bien. Oui, alors comme c'est des gens très gentils, bah, je leur en servis si je peux, quoi. Surtout qu'ils sont pas avares de Pascal. Hein. De Pascal? Eh bah oui, ils ont toujours un petit billet de 500, quoi, pour arranger le coup. Alors comme ça, bah, hey, tout le monde est content, vous comprenez? Oui, oui, je comprends très bien. Mais alors, vous venez pourquoi? Eh bah, comme je passais devant chez vous, là, en partant de chez les Poncelets, eh bah, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Et alors? Eh bah, alors, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de sonner, moi, juste pour lui faire un bisou. Un bisou? Bah oui, sans vouloir vous déranger, vous comprenez? Comme je la verrai pas d'ici demain soir. Ah non? Eh ben non, puisqu'elle va passer la nuit chez vous. Alors, sans vous déranger, juste un bisou, hop, et je m'en vais. Mais un bisou à qui? Eh ben à Brigitte. À Brigitte? Eh ben oui, vous avez bien pris une intérimaire extra. Oh, mais vous voulez parler de la femme de ménage? Eh ben oui, elle est bien ici, non? Non, mais c'est à elle que vous voulez faire un bisou? Eh ben à qui d'autre que je ferai un bisou, si c'est pas à ma petite femme? Parce que vous êtes son... Son mari, ouais. C'est pour ça qu'un bisou lui fera sûrement plaisir. Eh bien, je vais l'appeler. Non, mais sans vouloir vous déranger. Oh, mais non, mais non. Brigitte! Oui? Venez, j'ai une surprise pour vous! Regardez qui est là! Qui est là? Oui, la voilà! Elle voilà? Mais... Oui, la voilà! La voilà? La voilà quoi? Quoi, la voilà quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qui, moi? Oui! Et pourquoi faire? Mais enfin, et vous aussi, allez-y! Où ça? Faites-lui votre bisou! Mon bisou? Mais oui! Mais à qui? À elle! À un bisou à elle? Eh bien oui, elle a embrassé votre femme! Ah ben moi, je veux bien, mais pour ça, il faudrait qu'elle soit là! Comment qu'elle soit là? Bon, devant moi, il n'ose pas. Alors, vous, allez embrasser votre mari. Mon mari? Eh bien oui, lui. Ah non, mais c'est pas ma femme. Pas votre femme. Ah non, non, non, non. Non, j'ai pas le plaisir de connaître madame. Ce n'est pas votre mari? Non, non, j'ai jamais vu ce monsieur. Mais enfin, vous venez de me dire que vous étiez le mari de la femme de ménage. Ah oui? Mais pas de celle-là. Ah non, la mienne est plus rustique. Mais comment pas de celle-là? Je n'en ai qu'une. Ah ben pourtant, ici, vous êtes bien les hauts de Hurlevent. Ah oui. Eh ben alors, Brigitte m'a dit qu'elle y venait. Ah, oh, ici, il y a bien une autre Brigitte, mais... Mais elle ne peut pas être celle que monsieur cherche. Mais en tout cas, comme ça n'est pas moi, je pense que je ne peux plus vous être utile. Eh bien non. Bon, au revoir, monsieur. Eh ben, au revoir, madame. Excusez-moi du dérangement. Non, hein. C'est rien du tout. Mais donc, si j'ai bien compris, elle n'est pas femme de ménage. Ah ben moi, je sais pas, moi. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, pour sûr, c'est pas la mienne. Hein. Non, mais attendez... Celle-là, là, elle parlait d'une autre Brigitte. Oui, mais qui ne peut pas être la vôtre non plus. Ah bon, et comment vous le savez? Mais parce qu'elle est là. Oh, mais tu viens de me dire la même chose dans l'autre sens. Mais attends, c'est dans ce sens-là. Vous êtes encore là, vous? Eh ben, c'est-à-dire que... Tu n'as pas donné la clé anglaise? Ah, mais elle ne savait rien. Ah, ben, à ce moment-là, il faut téléphoner au plombier. Mais le plombier, c'est lui. Ah oui, je jardine. Ah, vous faites de la plomberie dans le jardin? Ah non, Je jardine en faisant de la plomberie. Ah oui, c'est-à-dire que vous plantez des tuyaux et vous soudez les géraniums. Mais qui est-ce? Mon mari, mon amant. Oh, oh, oh, ben alors, je vois que ça se passe en famille, hein? En famille? Ben oui, le mari et l'amant, ça arrive aussi à la campagne. Alors là, vous vous tombez bien. Alors, puisque vous êtes de la campagne... Oui, j'en suis. Dites-moi, à la campagne, qu'est-ce que le mari fait avec l'amant de sa femme? Moi, je le brise. Comment? Oui, j'en ai pas l'air comme ça, hein, mais déjà, un arbre, je le casse en deux, alors un amant, hop, là, et crac! C'est exactement ce que je pense, tu vois? Alors dites-moi, monsieur, qui êtes-vous? Eh bien, monsieur, le jardinier des Poncelets. Ah, oui. Les Poncelets sont nos voisins. Ah, oh, monsieur, faites un très joli métier. N'est-ce pas? Toujours dans la nature, la seule qui ne ment pas. Alors ça, c'est bien vrai. Et monsieur, le jardinier est ici pour faire un bisou à Brigitte. Ah, Brigitte. Oui, à Brigitte. Mais pas à Scheherazade. Ah non, parce que ça, c'est pour la mienne. Ah non, c'est pas la sienne, monsieur, on cherche une autre. Une autre? Oui, qui s'appelle aussi Brigitte. Oui, ça, ça peut prêter à confusion. Et monsieur est son mari. Ah, il est son... Oui, justement, puisque vous en avez une autre qui est là... Non, je vous ai dit que celle qui est là ne peut pas être la vôtre, puisqu'elle est la maîtresse de mon mari. Mais c'est d'allance! Alors, je vois, ça se passe toujours en famille, quoi. Oui. Donc, ça ne peut pas être votre femme de ménage. Ah oui, parce que la femme de monsieur est femme de ménage. Allez, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh là là, vous partez d'ici tout de suite, hein. N'hésitez pas. Et pourquoi faire? Oui, donc vous pouvez aller chercher votre femme de ménage ailleurs. Ah oui, dans une autre maison. Oui, sûrement dans une autre maison. Oui, mais dans laquelle? Ah ben, c'est mystère. Hein. Vous allez, je sais pas, moi, vous frappez n'importe où, vous frappez, on vous ouvrira. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Eh ben, vous verrez, ça marche toujours. Hein. Espérons. Non, c'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Bon, ben, messieurs, dames, ravi de vous avoir connu. Voilà. Mais non, au contraire, on a toujours besoin de connaître un plombier. Ça tombe bien, je suis jardinier. Oh, bon sang, je suis tellement perturbé que j'allais oublier ma casquette. Voilà, alors, casquette sortie. Vous êtes charmante, madame. Elle est charmante, hein. Vous avez de la chance. Vous aussi? Ça, pour moi. Non, excusez-moi, mais c'est bizarre, là, j'ai comme une drôle de sensation. Sensation? Et oui, cette Brigitte que vous avez là, il me semble que je la sens. Non, ça c'est pas possible, ça. Non, ça c'est impossible. Ah, pourtant, sur vous, j'ai repéré le jasmin, là-bas le seringa, ici c'est le santal, et vous, la bergamote. C'est un chien de chasse. Ouais, ça, il a de la truffe, hein. N'est-ce pas? Jardinier. Mais il flotte ici un numéro 5 de Chanel, qui est le parfum de ma brèverie. Non, ça c'est impossible. Ah, c'est pas possible, ça. Oh, mon poupon! C'est bien ça, tu es là! Mais vous vous connaissez? Un peu qu'on se connaît! Non, mais un peu qu'on se connaît! Ne dis rien, je sais tout! Mais quoi, tout? C'est ton amant! Oh, pour Dieu! Oh, il est là! Il est derrière moi! Il est derrière moi! C'est toi? Mais c'est moi. Oh, c'est toi. Mais oui, c'est moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai eu que ma vertige. Et moi, j'ai vu des lumières partout. Hein. Moi, j'ai rien vu. Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui vous a pris? Ben quoi, c'est ma briverie, là, avec votre mari? Mais non, c'était une plaisanterie. Une plaisanterie? Mais oui, enfin, c'est une farce. Bon, écoutez, alors, si c'était vrai, hein, mais on vous l'aurait pas dit. Mais évidemment! Évidemment, réfléchis, ça fait si peu de temps que je suis là. Ah, oh, ben oui, c'est vrai, ça. Que je suis bête. Mais non, j'ai pas tant que ça. Oh, vous, l'amant, ça va? Oh, mais lui, c'est mon tonton. À propos, vous n'avez pas reconnu son oncle? Hein? Son oncle? C'est bien votre nièce, non? Ah ben, c'est-à-dire que depuis qu'elle est mariée, je suis plus tellement sûr. Mais vous devez le savoir, puisque vous êtes son oncle. Non, ça, évidemment, je le sais. Alors, n'ayez pas l'air étonné. Non, j'ai pas l'air étonné. Non, mais c'est ton oncle. Mais oui, mais rappelle-toi, tu te souviens, du côté de Pascal. Du côté de Pascal? Oh, mais bien sûr, si c'est du côté de Pascal, ah ben là, je t'en sois 5 sur 5. Ah oh, ben, ça y est, où est-ce que j'avais la tête, moi? Du côté de Pascal. Ah ben, maintenant que tu me le dis, ah oh, ben là, je te remets. Je te remets même 500 sur 500. Ah non, mais là, de près, bah, je vois bien que c'est lui. Bon, eh ben, messieurs, dames, excusez-moi encore de ce petit dérangement, non, parce que j'ai l'impression que vous étiez prêts à vous coucher, hein. On ne peut rien vous cacher. Simplement, on n'avait pas encore décidé qui avec qui. Oh oui, oh, je vois que madame aime bien la plaisanterie. Je n'aime pas, j'adore. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Vous avez encore besoin de moi? Pour la nuit, sûrement plus. Parce qu'une nuit sans bon poupon, c'est toujours dur à passer. Ah oui, surtout pour elle. Tu peux m'emmener? Bien sûr, j'ai la brouette. Mais je n'ai pour une seconde. Non, parce que vous comprenez, moi, il faut que je sois levé à 5 heures pour mes semis. Ah oui, toi, t'es toujours dans les semis. Eh oui, toujours. Et les semis, c'est fragile. Faut bien faire attention où on met les pieds, surtout pour pas la déranger. Parce qu'elle est capricieuse, la nature. Oh là là, capricieuse. Et si on la dérange, ben, c'est comme quand on dérange les gens. Hein. Ça chambarde l'ordre des choses. Bon, ben, m'en veuillez pas si je vous quitte si vite, mais vous comprenez. C'est que j'ai mes semis. Allez. Je vous plante là. Comme mes semis. Eh bien, il a raté sa vocation, cet homme-là. Ah, tu trouves? Oui, il aurait dû être horloger. Horloger? Ah, c'est un as pour mettre les pendules à l'heure. Oui, oh, ben, comme jardinier, il est pas mal non plus. Moi, je trouve qu'il a le geste auguste du semeur de... Ah, oui. Ça, il a bien semé, hein. Il a bien marché dans nos semis, aussi. Enfin, ça va peut-être nous porter bonheur. Voilà. Eh bien, comme je suis pressée, c'est pas la peine de faire les comptes tout de suite. Ah, mais hein. Si, si, vous non, voulez. Mais non. Comme Pascal va passer, vous me l'envoyez à l'agence. Mais oui. Hein? Avec le tout? Mais oui. Bon, eh bien, au revoir, messieurs dames. Hein? Encore merci pour la langouste, hein. Elle était vraiment extra. Comme moi. Dis-moi, j'espère que tu n'as pas cru un mot de ce que je t'ai avoué sur lui et moi. Bien sûr que non, voyons. J'ai trop confiance en lui. T'as bien raison, tu sais, dans la vie, on a bien des désillusions quand on a confiance en personne. Et puis je sais qu'un ami comme toi ne pouvait pas me faire ça. Ah, voyons. Simplement, tu l'as un petit peu aidé à me faire marcher. Ah, hein. Voilà. Ah, ça, j'ai tout de suite senti que tu voulais te venger parce que tu croyais que j'étais l'amant de la femme de ménage. Je vois que tu as tout compris. Hein. Simplement, ce que je voudrais que tu m'expliques, c'est pourquoi tu as offert un écureuil de palétuvier à la femme du jardinier des Poncelets. Eh bien, je suis enchanté que tu me poses cette question. C'est une très bonne question et vous remercie de l'avoir posée. J'aime à vous l'entendre dire, alors j'écoute. Eh bien, voilà. Oui. Comme il était un peu juste, pas le manteau, mais lui, alors il m'a demandé de lui avancer l'argent. Hein? Et il m'aime. Mais alors moi, je lui ai avancé. Hein? Mais rassure-toi, il m'a déjà remboursé. Hein? Oui, ça, je peux pas dire le contraire. Mais alors, c'est vous qui l'avez offert à la femme du jardinier des Poncelets? Ah, pas du tout! Alors. Eh bien, voilà. Bon, voilà. Regardez. Oui, parce que tu vois, comme elle est partie sans lui, et comme c'est lui qui l'a payé. Mais alors, à qui est-il? Il est à lui. Il est à lui. Oui, du reste, il va te l'essayer. Si, tu vas voir comme c'est saillant. Tiens, essaye ça. C'est ta taille. Mais si, c'est ta taille, essaye-le. Tu verras. C'est unisexe, hein. C'est unisexe. Oh, ouais. Oui, d'accord, ça, je l'ai... je l'ai vu dans une vitrine, il m'a plu, alors je me suis offert cette petite fantaisine. En effet, c'est une fantaisie. Ce qu'il y a de bien dans le gros écureuil de palétuvier, c'est le moelleux, vous comprenez, la souplesse. On peut le rouler dans une valise, ça se froisse pas. Alors voyez-vous, moi je trouve que dans cette couleur-là, c'est flatteur pour le temps. Puis alors, c'est très commode, c'est bon, c'est très commode. C'est du soir, c'est du matin. Moi, il m'arrive de mettre ça avec un costume. Des fois avec un survêtement. Des fois avec une robe du soir. Des fois même, je me mets tout nu dessous, puis je sens plus la différence de température. Et puis, vous savez, bon, quoi, hein, quoi, bon, hein, l'écureuil, c'est un placement de père de famille. Oui, mais en arrivant, je n'ai pas vu que vous l'aviez, ce manteau. Et puisqu'on te dit que ça ne se froisse pas... Oui, je l'avais roulé dans la valise. Un écureuil, mais tu peux même te le faire livrer dans une caisse. Mais non, mais là, ça a tendance à ronger les économies. Mais alors, finalement, la femme du jardinier des Poncelets et la femme de ménage étaient une seule et même personne. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Mais alors, qui est l'autre? Eh ben, c'est l'autre. Ah, ben, c'est l'autre. Comment, il y en a une autre? Oui, celle qui est là. Eh ben oui, celle qui est là. Ah oui, celle qui est là. Oui, j'ai l'impression que vous l'avez oubliée. Ah non, on l'a pas du tout oubliée. Voilà, dites-moi. Eh bien, voilà. Voilà. Excusez-moi de vous déranger, mais comme il faut que je parte, je viens prendre mon manteau. Votre manteau? Évidemment, c'est le sien. Mais je croyais que c'était le vôtre. Oui, non, mais comme il lui plaisait, je m'en suis dépouillé pour son anniversaire. Et à quel titre? Parce que c'est sa maîtresse. Quoi? Ça a l'air de vous étonner. Ah, moi, pas du tout. Pas du tout. Plus rien ne m'étonne. Non, simplement, ce que je me demande, c'est pourquoi vous êtes venu ici avec lui. Pourquoi il ne serait pas venu ici avec elle? Mais parce qu'il est mon... Oui, en effet, pourquoi pas. Bon, le temps de m'habiller, on y va. Voilà, c'est ça, on va y aller. Ah, à cette heure-ci. Vous n'allez pas partir maintenant. Après tout, vous êtes venu pour le week-end. Là, tu gardes ta chambre. Et je pense que dans celle-là, vous serez très bien. Écoutez, là, vraiment, si ça vous fait plaisir. Eh bien, mes enfants, il ne nous reste plus qu'à nous frapper une bonne bouteille bien tapée. Non, non, c'est le contraire, c'est à nous taper une bouteille bien frappée. Ah oui, te frappe pas, j'y vais. Non, non, non, c'est moi. Puisque vous n'avez plus de femme de ménage. Ah non, pas du tout. Vous allez dans votre chambre et ranger votre manteau. C'est un ordre. Absolument. J'y vais. Alors cette bonne bouteille, elle est dans le cellier. Il y a qu'à dire. Tu sais ce que j'aimerais? Quoi donc? Promets-moi que tu ne l'inviteras plus. Qui, mon copain? Oui. Et cette fille? J'ai l'impression qu'elle pourrait te plaire. Enfin, réfléchis. Ils sont ensemble? Oui, mais comme ils n'ont pas l'air très attachés l'un à l'autre, s'il te plaît. S'il te plaît, n'invite plus ton copain. Pourquoi? Tu crois qu'il pourrait te plaire? On ne sait jamais. C'est promis. On ne les verra plus. Alors là, mes enfants, des soirées comme ça, hein, où il y a la bouffe, la boisson et la... Hey, c'est pas la peine de téléphoner pour confirmer. On viendra la semaine prochaine.